Et bonsoir sur la petite pause JDR. Voilà, hein, le truc qu'on ne voulait pas faire, bah finalement on y est C'est arrivé, hein, le bravo, meilleur lancement. bravo. Je suis Olchad, hein, et donc je vais vous accompagner toute la soirée pour une nouvelle émission des hauts et des bas. Évidemment, qui dit débat, bah, dit débatteur, hein, donc je ne suis pas tout seul pour faire ça. Et donc, on va faire un petit tour de table pour présenter les personnes là, ici présentes. Et déjà, commençons par Arféor. Bonsoir, Ah, Arféor. c'est moi le premier. Bonsoir, bah, Arféor. Je suis Arféor, je fais du jeu de rôle depuis le collège. J'ai oublié il y a combien de temps. Bon, depuis la troisième, et là j'ai 21 ans, donc ça fait beaucoup. Enfin, pas beaucoup. J'ai du coup, à partir du jeu de rôle, ah bah tiens, j'ai bien envie de partager cette passion à des gens pour qu'il y ait plus de rôlistes. Parce que ce serait cool, et du coup, c'est là qu'on a eu l'idée avec un pote de lancer notre chaîne YouTube Arki Production. D'ailleurs, je salue les copains qui bossent avec moi qui sont normalement en train de regarder le live et je leur fais des bisous. Et du coup, on bosse sur des émissions de conseils pour les débutants en JDR et on a parfois parlé justement des stéréotypes dans le jeu de rôle. Donc, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Eh bien, merci, merci beaucoup. Hein. On va continuer avec Geek Library qui est là avec nous ce soir. Et bonsoir à tous. Donc moi c'est Franck, aka Geek Library pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc je suis effectivement, comme vous le voyez, youtubeur et pas chômeur. Pardon, excusez-moi, je peux pas m'empêcher de faire la blague. Mais aussi déconneur et véritable obélix du jeu de rôle parce que ça fait bientôt 35 ans que je fais du jeu de rôle. Oui, je peux le dire. J'ai appris à lire sur le livre dont vous êtes le héros, donc gros gros passionné, gros gros dévoreur de jeux de rôle. Les vrais savent par rapport au livre dont vous êtes le héros, Ian Livingstone représente. Et donc voilà, donc je suis venu faire un peu le rôle du boomer du jeu de rôle ce soir. Ok, mais t'inquiète pas, hein, je pense que tu ne seras pas le seul. Hein. Il y a également Ramos qui est avec nous ce soir. Bonsoir Ramos. Et bonsoir, moi aussi, je suis un boomer du JDR. Alors ça fait un peu Yes. moins longtemps que j'en fais. Ça fait à peine 30 ans. Je suis Ah, désolé. c'est J'ai pas grave. commencé au collège, je savais déjà lire, donc ça fait de moi un grand débutant, je pense, Mais a priori. non. Mais j'ai fait aussi les livres dont vous êtes le héros. Et donc maintenant, bah, je fais partie de la chaîne Rolifonique. Donc on est sur YouTube et maintenant, enfin, on est en podcast sur Ocha, les dossiers 1900 et Normand Mister Nice Guy. Donc allez nous voir, allez nous écouter. Et sinon, bah, je suis avec le Manoir du Crime à Montpellier où je suis démonstrateur sur place. Donc voilà, je montre plein de JDR différents à plein de gens différents comme ça. Ok, ça marche, eh bien merci. Il y a également Samuel Zitterman qui est avec nous ce soir. Bonsoir Samuel. Bonsoir tout le monde. Donc du coup, bah, il y a marqué du youtubeur, donc je suppose que je suis un peu youtubeur. Du coup, bah, je propose essentiellement des lives de jeux de rôle, dont des actual plays en live. Donc je ne fais pas du tout de montage car je suis une grosse feignasse, mais ça se passe plutôt bien. Et donc l'idée, voilà, c'est de proposer des parties de jeux de rôle comme ça se joue vraiment, plus ou moins, autour d'une table. Mais là, on est autour de micro. Et j'ai aussi quelques vidéos. Je sors une vidéo par mois de conseils, de retour de partie sur des jeux, etc. Et je suis aussi jeune auteur, puisque j'ai publié une campagne de Dungeon World chez un éditeur, donc Studio Absinthe de Kellerain, voilà. Donc j'ai encore un peu de mal à le dire, mais voilà, de temps en temps, j'essaie de le caser quand Mais tu as bien raison. Tu as bien raison. Et merci en tout cas. Hein. Et donc avec nous également Jaden Core. Bonsoir Jaden. Bonsoir. Alors du coup moi c'est Jaden Core. Je tiens la chaîne YouTube, donc il y a marqué YouTuber aussi visiblement. Sacré brochette. Alors, moi je suis Ouais, désolé, hein, Millennials. désolé. Hein. J'ai fait ça, mais je sais pas, je change Mais rien. quelle est cette voix que nous entendons? Et du coup voilà, je tiens la chaîne Les Chroniques de Jaden Core où je veux que je conçois comme une sorte de boîte à outils pour tout créateur d'univers imaginaire en général, spécialisé jeux de rôle mais univers imaginaire en général quand même, avec des vidéos qui vous donnent bah, des outils tout simplement qui vous questionnent sur les différents thèmes à aborder dans votre univers, les différents genres et sous-genres qu'on peut faire en proposant des exemples, en faisant un peu de culture G. Bref, j'essaie de faire un peu tout ça. La chaîne a repris il y a peu de temps. Maintenant, il y a des vidéos qui sortent qui vont sortir assez régulièrement. Et voilà, sinon, niveau expérience jeu de rôle, j'en fais un peu comme beaucoup de gens, depuis le collège à peu près, où j'avais monté un club. Et sinon, j'en fais encore jusqu'à aujourd'hui à un rythme assez régulier. Ok, et eh ben merci. Et donc on va terminer ce tour de table par Ransard. Bonsoir Ransard. Bonsoir, bah donc moi c'est Ransard, je suis rôliste averti ou rôliste curieux suivant les, oh, suivant les voilà. périodes. On peut m'entendre de temps en temps sur la chaîne Radium pour Roll the Dice, où je de temps en temps je fais des petites pastilles sonores par le biais des fausses pubs. Voilà, qu'on peut entendre. Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'elles sont collector, hein, dirons-nous, hein, ces fausses pubs. Et donc, ce soir, notre sujet va être les stéréotypes dans le JDR. Or, qu'est-ce qu'on entend par stéréotypes dans le JDR ? Ça peut être finalement vis-à-vis des personnages. Est-ce que les nains sont systématiquement radins, hein ? Est-ce qu'ils sont rancuniers ? Est-ce que les elfes sont des êtres un petit peu perchés ou autres, hein ? Mais bon, les stéréotypes dans le JDR, c'est peut-être aussi au niveau des joueurs. Est-ce que, ben voilà, des stéréotypes de joueurs ? Le gros bill, le bourrin, celui qui aime bien la baston, hein, qui va y aller ? Ou justement, est-ce qu'on va avoir d'autres stéréotypes de joueurs ? On va découvrir ça avec justement mes invités de ce soir. Hein. Et donc, il me semble que Jaden, tu voulais te lancer un petit peu déjà. Ah non, j'ai dit d'accord. Ça, après, pourquoi pas. À quoi une balance, quoi. Déjà, on pourrait. C'était. Je sais plus qui est-ce qui disait ça à l'avant live, mais t'as de définir qu'est-ce qu'on entend par stéréotype dans un jeu. C'était moi, ouais. C'était toi. Très bien. Alors, du coup. Ah oui, du coup c'est Gossed, donc c'est vrai qu'il est, il n'est pas débatteur. Ben oui, on pourrait commencer, comme il dit, quoi, par définir ce qu'est un stéréotype, parce qu'un stéréotype est forcément mal. Enfin, il y a plein de sujets à aborder avec avec ce sujet-là. Parce qu'il y a fait, Oui. En fait, il faudrait déjà dissocier le stéréotype de l'archétype, parce que malheureusement, on a aussi dans certains cas des archétypes qui sont surjoués et qui deviennent des stéréotypes. Ah, je sais, je plante le débat très fort déjà. Oui, c'est vrai. Hein. Donc, c'est vrai qu'on va commencer par ça un petit peu. Qu'est-ce que c'est pour vous un stéréotype dans le JDR ? Qu'est-ce que c'est les stéréotypes dans le JDR finalement ? Bah, perso, moi je dirais que le stéréotype, ce qui est au niveau des catégories de joueurs, je dirais pas qu'on puisse parler de stéréotypes parce que bon les schémas qu'on retrouve quand même du gros bill etc ils sont quand même assez je trouve vérifiés véridiques quoi bon il y a quand même des nuances hein. Il n'y a jamais 100% quelqu'un qui est gros bill, il n'y a jamais 100% quelqu'un qui est comme ci ou comme ça, mais on retrouve quand même ces schémas qui ont quand même une prédominance pour moi. Et ensuite vis-à-vis des stéréotypes concernant bah, par exemple les nains radins etc, bon je dirais que ce stéréotype là est enfin ce stéréotype là il existe et il est et c'est les joueurs en fait qui le vivent à mon avis et qui le font vivre comme ça en mode on va penser tel ou tel truc comme obligatoire pour tel ou tel type de personnage. Ramos, tu voulais répondre là-dessus ? Oui, juste pour dire, c'est pas que les joueurs hein, qui font vivre ça, c'est aussi les jeux en eux-mêmes, notamment certains jeux du genre Warhammer. Tout à fait, ou, c'est vrai. Ou c'est même vrai. Du bon vieux AD&D qui te. Qui entraîne, propage ce genre de stéréotypes ouais. En faisant du. On va dire de. On parlait de la différence archétype, tu vas dire l'archétype il vient de Tolkien et ensuite on a caricaturé Tolkien pour faire le cliché, le stéréotype à la Warhammer. Ouais, et comme par exemple pour rebondir sur Warhammer, c'est vrai qu'on rencontre par exemple souvent, bah, après. Souvent, je sais pas si c'est encore le cas actuellement, mais nains, tueurs de trolls et tueurs de machins, et ça, combien on pouvait en croiser 13 à la douzaine, quoi. C'est, ça devenait même catastrophique à certaines éditions. Ouais, sûrement. Hein. Bon, après, pour Warhammer, c'est que je connais que la V1, hein. Mais ça a été aussi, finalement, ces stéréotypes, hein, ça a été aussi diffusé via, bah, je pense à Null Buck, hein, qui a clairement basé ses personnages là-dessus. Hein, et après Null Buck, je veux dire, des nains qui étaient radins et grincheux, on en a eu plein. Oh, et oui. En plus, après Le Seigneur des Anneaux, ils avaient tous l'accent du Sud-Ouest. C'est vrai. Je suis un nain, c'est ça. Voilà. J'avais fait mon club de jeu de rôle au collège de dans le Tarn, tu vois. Donc pareil, on n'avait pas besoin d'être nain pour avoir des accents du sud. Oui, après, c'est sûr. Mais... que. Je parie qu'en Angleterre, ils ont tous l'accent écossais. Alors du coup, je vous trouve pour le moment très critique sur ce point-là. Je trouve que pour rester sur les personnages et sur les archétypes, les clichés ou les stéréotypes ont l'avantage de mettre les gens à l'aise. Je veux dire, par exemple, si tu veux faire découvrir le jeu de rôle à quelqu'un, il connaît le Seigneur des Anneaux, a priori, il connaît les nains, les elfes et les orques. Ils savent que les elfes sont agiles, ils savent que les nains sont bourrus et ils savent que les orques sont méchants. Partant de là, si tu veux lui faire un jeu de rôle de fantasy et qu'il y connaît rien, a priori, il sera plus à l'aise avec des clichés, des stéréotypes comme cela, plutôt que de lui balancer un univers où les elfes, par exemple, je pense au jeu, comment il s'appelle Spire, où tu joues des elfes noirs sous le joug d'elfes, de hauts elfes qui occupent leur ville en fait. Donc un truc qui renverse complètement les clichés. Donc je pense que jouer à un jeu comme ça pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément sera plus difficile plutôt que de jouer dans les choses assez classiques quoi. Donc ça a ses avantages quand même, notamment au niveau des personnages et des archétypes quoi. Tout à fait, tout à fait. Je suis pas tout à fait d'accord dans le sens où tu peux utiliser l'archétype sans, qui est très confortable sans directement tomber dans le cliché. Et dans les stéréotypes. Et là, ça vient d'un autre type de stéréotypes aussi, qui sont les stéréotypes d'interprétation des joueurs. Très important. Oui, et après, s'il y a stéréotypes, c'est peut-être aussi qu'on a justement... C'est aussi une bonne chose dans le sens où ça veut dire qu'on a aussi une culture commune. Et donc ça, c'est aussi un bon point d'entrée, comme disait Samuel. Enfin, c'est voilà, l'idée, c'est de dépasser ça. C'est un petit peu comme ce qu'on disait sur les règles la dernière fois. C'est un bon point d'entrée. Et après, en évoluant avec les éléments, on va pouvoir s'affranchir de tout ça aussi. Et, donc c'est vrai que là où il y a stéréotype, c'est qu'on a quand même culture commune. Et même si parfois, on sort de l'archétype pour arriver dans ce stéréotype-là, on arrive justement à pouvoir toucher peut-être plus de monde à faire participer au jeu de rôle. Alors, juste je rebondis à ce qu'a dit The Hacker sur le live Twitch qui disait à mon avis les nouveaux joueurs ne seront pas les plus problématiques sur l'appui excessif des stéréotypes. Oui et non, je suis à moitié d'accord parce que effectivement on va mettre beaucoup ça sur le dos des nouveaux joueurs, soyons clairs, hein. Moi le premier ça m'est arrivé. Et les anciens joueurs seraient plutôt ce qu'on appellerait l'archétype ou le stéréotype déconneur. Comme on peut en croiser souvent lors des conventions, ce genre de truc. Attends, ça veut dire quoi, ça? Ouais. Est-ce que tu peux... Comment ça? J'ai pas été assez clair. Ça veut dire quoi, ce que tu dis? Ah, parce que là, je répondais à ce que disait The Hacker sur le... Oui. Voilà. Oui. Et donc, il disait que les nouveaux joueurs ne sont pas les plus problématiques sur l'appui excessif des stéréotypes. Oui et non. Je suis à moitié. Ouais, jusque-là, c'est ok. Bien sûr. On a tendance à mettre ça beaucoup sur les nouveaux joueurs. Et moi, le premier. Mais par contre, je trouve que c'est qu'à moitié vrai. Parce qu'on occulte, malheureusement, les anciens joueurs qui sont plutôt du genre déconneurs en mode tu sais, je vais en convention pour jouer de la merde, faire de la merde et faire chier les gens. Surtout faire chier le MJ, le fameux les joueurs qui vont aller vers des jeunes MJ pour essayer de leur foutre le nez dans la merde. Ouais. Ça, exact, c'est à mon avis, pour moi, c'est autre chose, ça. Ouais, c'est pas tant du stéréotype ou quoi que ce soit, c'est plus du bon, bah voilà, je nique le contrat rôlistique et je m'en fous complètement. Ouais, mais ça reste un stéréotype du JDR parce que là, on parle de stéréotype de joueur et non pas de stéréotype de JDR. Mais qui ont lieu quand même, qui ont lien quand même avec le JDR. Ouais, bon après je pense que ça va dépendre beaucoup des personnes hein, finalement, hein, parce que tout le monde ne va pas forcément réagir de cette manière-là, et heureusement, je pense que ça reste une minorité, mais c'est vrai que c'est une minorité qui est très visible, dont on se souvient. Malheureusement, ouais. Et c'est vrai que le mec un petit peu plus discret, mais qui va bien jouer, qui va faire sa petite interprétation, lui, t'auras peut-être moins marqué. Sur la partie, et c'est ça qui est un petit peu dommage finalement, hein, c'est que on a parfois tendance à se focaliser sur le négatif, hein. Et donc c'est vrai que là on a déjà commencé un petit peu définir, hein, différence entre archétype et stéréotype, hein. On a plus parlé là pour l'instant des personnages, hein, mais est-ce qu'il y a que du mal dans les stéréotypes? A priori non, pas forcément. C'est juste là où je voulais en venir, le fait qu'on ait des stéréotypes, ça revient un peu à, ça rejoint un peu ce que j'avais dit l'autre fois, c'est que ça participe aussi à une certaine ritualisation quand on est autour de la table de jeu de rôle. Le fait qu'on ait le nain un peu bourru, l'elfe gracile et le paladin humain très très gentil, enfin tous ces tropes qui sont pas forcément à incomber au jeu de rôle en lui-même. On a parlé de Nullbug tout à l'heure, mais ces clichés-là existaient avant Nullbug. C'est juste que ça a permis d'énormément les populariser. Mais depuis même les premières personnes qui ont récupéré l'univers Tolkien pour en faire leur sauce, on avait déjà ces clichés-là. Une sans Fritz Lieber dans le cycle des épées, c'était déjà une. À moins que je confonde, mais une sorte de cycle des épées, je l'ai pas lu. Hein. Mais c'était déjà à fond dans le cliché Heroic Fantasy. Et c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt le genre qui s'est mis en position par rapport à Tolkien plutôt que. Le cycle des épées, c'est plutôt ainsi qui a défini le Sword and Sorcery que. C'est vieux. D'accord, hein. Ça a des armes marchantes. Hein. Ok, donc je dois confondre, mais il me semble qu'il y avait. Ouais, je dois confondre avec une autre. J'allais dire, c'est un peu comme Tolkien. C'est un truc qui est tellement ancien que ça a l'air très cliché pour nous, mais en fait, c'est un peu lui qui a posé les bases de certains genres, un peu comme Moorcock, tu vois, surtout les vieux. Mais du coup, rétrospectivement, ça a l'air très cliché, ça c'est sûr. Oui, Elric et compagnie, c'est sûr que. Ouais. Et mais du coup pour en revenir à ça, le fait qu'on ait tous ces tropes là, tous ces archétypes là qu'on retrouve autour d'une table, il y a aussi un plaisir à les retrouver qui est assez indéniable. Beaucoup de gens se lancent dans le jeu de rôle en voulant jouer un nain bourru parce que on se dit on va faire du jeu de rôle et on a envie de faire le rôliste, et ça fait aussi partie du plaisir du rôliste. Alors ça peut être un plaisir un peu naïf, quoi, un peu que pas mal de débutants peuvent avoir, mais il y a aussi pas mal de toute l'époque old school, toute l'époque jeu de rôle old school est à fond là-dedans, quoi, finalement. Donc, je suis d'accord avec Jaden. Est-ce que le stéréotype est finalement si mal que ça quand ça permet de faire une sorte de. Comment dire De réunion Ouais, de réunion, de cocon un peu social. On a nos termes, on a nos archétypes, tout ça, et si vous n'êtes pas content. Notre zone de confort, quoi, tu veux dire. Là, oui, c'est vrai. Alors, vas-y Ramos, et ensuite Arthur. Bon, bah vas-y Arthur. À l'inverse, ça peut être un repoussoir. Parce que le trope, parce que j'aime bien ressortir ce mot, dont tu parles, j'ai rencontré des gens qui se disaient « J'ai pas envie de faire du jeu de rôle, parce que moi, tu vois, le côté jouer l'elfe en jupette dans la forêt... le nain bouffeur de gigot, moi ça m'intéresse pas. Moi j'ai envie de faire du contemporain et tout ça. Et le trope, justement, est tellement ancré dans l'imaginaire collectif qu'il s'imagine même pas que le jeu de rôle peut être autre chose. C'est vrai aussi ça. Ouais. Donc Arthur, et ensuite Samuel. Arthur, après le mot narrativiste, le mot du jour de ce live est trop. blague à part. En fait, je suis assez d'accord entre Ramos et Jaden Core. Et en même temps, ce que Ransard avait dit aussi au début, j'avais trouvé ça pas mal de dire que c'est vrai que ça montre qu'il y a une commune, etc. C'est assez agréable. Et c'est vrai, en fait, je pense que ce truc-là peut être un cocon. Mais après, de par mon expérience personnel. Moi j'ai commencé sur le donjon de Nullbuck, donc forcément j'avais écouté ça pendant tout le collège à Donf, j'ai trop kiffé et j'aime toujours autant d'ailleurs. Mais du coup forcément dans ces parties là on avait poussé au niveau excessif justement ces stéréotypes là, ce qui fait que du coup ma première table où je me suis retrouvé avec d'autres rôlistes qui étaient un peu des boomers du jeu de rôle, bon, disons que le courant est un peu mal passé, et c'est vrai que je faisais un peu tâche dans un truc qui était d'ailleurs plutôt dark fantasy plus que c'était un univers créé par un pote vous connaissez pas le jeu de rôle là, et en gros ouais c'était plus dark fantasy quoi, et du coup je faisais tâche, et je pense que il y a une partie dans quel joueur arrive avec quel stéréotype et sur quel jeu. Et je pense que ce cocon-là, il peut être très agréable dans certains jeux comme assez, assez problématique dans d'autres. Et je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue à chaque fois par rapport à quel jeu on se pose la question. Mais attends, il y a Samuel qui voulait rebondir aussi tout à l'heure. Non, je voulais faire un petit peu la transition avec ce qui a été dit dans le chat Q69, très pseudo, très inspiré. Quel est le rôle du MJ afin de confronter le joueur à leur stéréotype? En fait, l'idée dans sa phrase, c'est que au-delà de la zone de confort et du rituel qu'on peut y trouver dans les stéréotypes, ça nous permet aussi de s'en emparer facilement, beaucoup plus facilement que des choses qu'on ne connaîtrait pas. Du coup, en ayant, par exemple, là, il prend l'exemple du paladin, le confronter à une loi un peu absurde ou autre. C'est-à-dire, quand on est à l'aise avec certains clichés, certains stéréotypes, on peut s'en amuser beaucoup plus facilement et on peut dériver beaucoup plus facilement. Au contraire, des choses qu'on ne connaît pas forcément, je prends l'exemple du jeu Eclipse Phase, qui est hard SF à fond, avec des concepts un peu complexes, etc. On aura peut-être un peu plus de mal à conceptualiser certaines choses et à s'amuser avec. Voilà. On aura plus de mal à dériver et à justement sortir des stéréotypes, des clichés, parce qu'on a du mal déjà à comprendre le cliché ou le stéréotype de base, ou l'idée de base, en fait. Ok. Mais... Ah. Vas-y, Jaden. Ouais. Je voulais revenir là-dessus aussi, sur le fait que le cliché permet d'avoir justement dans une ritualisation, dans le fait qu'on retrouve. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, Ramos, c'est par exemple. Non, je ne suis pas d'accord. C'est un débat, monsieur. Non, ce que je veux dire, c'est le plaisir. Vous n'avez pas du le cliché. Monopole du narratisme. Calmez-vous. Tout va bien. Et oui, par exemple, évidemment, le fait qu'il y ait des stéréotypes dans un média, c'est clairement pas propre au jeu de rôle. Et je veux prendre l'exemple du cliché de cinéma. Par exemple, avoir plaisir au cliché de cinéma, ça ne va pas empêcher les gens d'apprécier le cinéma quand même. Malgré le fait qu'on apprécie y retrouver certains clichés. Tu vois ce que je veux dire ? Dans les nanars, par exemple. Pas forcément les nanars, je voyais pas. Apprécier le cliché tellement loin que du coup, tu apprécies le concept même du cliché. En mode comique, là oui, c'est pour en faire quelque chose de comique. Moi, je pensais vraiment au cliché de cinéma, je sais pas, dans... La femme forte, par exemple, hein, qui revient beaucoup dans le cinéma de Besson. C'est vrai, voilà. Même, c'est ça, rien qu'à l'échelle d'un seul réalisateur, de retrouver les gimmicks d'un seul réalisateur de film en film, il y a un plaisir à retrouver ça. Et dans le jeu de rôle, je pense qu'il y a quelque chose qui est à peu près pareil. Je veux dire, on a, avec un groupe de joueurs, on est en pleine période de confinement, coronavirus, etc. en ce moment, on devait choisir entre nous un jeu de rôle auquel jouer. Et en fait, on s'est vite retrouvé à se dire, putain, j'ai envie juste de jouer un nain et un elfe, et juste qu'on se batte contre des orques parce que c'est simple et qu'on s'amuse comme ça, et que c'est de retrouver quelque chose, un plaisir facile, quoi, comme si on allumait un blockbuster dont on connaît déjà la fin de l'histoire dès le début. Mais il y a un plaisir à ça qui est assez indéniable. Je pense pas que ça empêche finalement d'autres gens d'apprécier le genre, parce que malgré le fait qu'il y ait des clichés, on peut quand même apprécier autre chose à côté. Ok, et donc il y a Ramos qui voulait rebondir, ensuite ce sera à toi. Il me semble qu'Orfeor avait agi avant moi. Ah, pardon, parce que comme j'ai passé à Cam, c'est une initiative. faudrait qu'on instaure ça pour les tours de parole. C'est clair. On lance tous un dé au début de la partie. Donc vas-y, Orfeor. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, Jaden, mais après je pense que il y a je pense que là, au niveau de l'analyse, il y a un problème, parce que en fait, du coup, là, point du doigt, c'est plus la manière dont ça va être consommé. Et en fait, c'est, je pense, toujours en début de partie, qui les discussions. Moi, je suis un fanat des discussions en début de partie, vraiment en mode très méta en début de partie. Ok, vous voulez jouer quoi, comment, qu'est-ce que vous voulez faire. On établit un peu, un espèce de schéma, enfin un espèce de projet de partie sur ce qu'on a envie de faire. Comme ça, on est tous d'accord et comme ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, lors du pause cigarette, généralement, on redéfinit, on voit si ça va toujours à tout le monde. Pause pipi, non, c'est celle où le MJ doit sortir parce qu'il peut pas fumer, c'est triste. Mais, mais du coup, et je pense que là-dedans, justement, tu définis aussi oui ou non, en fait, on va partir dans ces stéréotypes ou pas. Et je pense que c'est là où. Ce que tu dis, à mon avis, est très juste. C'est que il faut le décider, ça, en amont. Mais par contre, en fait, le problème, je pense que là, on pointe plus du doigt, c'est quand ça arrive et que c'est pas voulu. D'accord. Donc, Ramos. Je sais pas si j'ai été clair. Oui. Ça rend un peu ce que vient de dire Arthur. Et puis, en fait, pour rebondir à ce que disait Jaden, ce que tu dis, c'est vrai, mais. Déjà dans ce que tu dis, ça montre vraiment très vite à quel point ça a des limites, parce qu'en fait très vite tu vas être enfermé là-dedans, et ça change pas avec le média d'ailleurs. Si je te prends, vous avez fait un très bon exemple avec Monsieur Besson. Luc Besson, c'est super, il a des archétypes, mais à force ses archétypes, tous ses derniers films c'est de la merde, parce qu'il ne sait pas en sortir, parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Et c'est en fait, c'est oui, dans des fois on a besoin d'avoir bah, c'est du cinéma de genre. Voilà, j'ai en plus tiens, pour faire parler avec un JDR là-dessus, il y a un très bon JDR, c'est Hollywood. Dans Hollywood, on fait du cinéma de genre, on fait du polar, on fait du vrai polar noir américain des années 40, 45. Le hard boy comme on l'aime, du bon vieux hard boy. Voilà, à la Faucon Maltais, Casablanca, etc. Il y a des. Mais c'est pour ça que je fais et que je suis très sensible à la différence entre archétype et stéréotype. Je suis à fond sur l'archétype, même pour rester dans du. Allez, sortons du vocabulaire, faisons hein, de l'archétype jungien. Ah, bah, tu voulais. Oh. Oui, oh, j'ai sorti. Le mot est lancé. Le mot est lancé, je n'ai pas peur des mots. Qui justement. La santé mentale. Sont des, on va dire, des vrais outils de création narrative. Mais dès que tu dépasses ça, que tu vas dans le stéréotype, bah, ton outil de narration, il devient juste un truc qui t'enferme dans ta créativité. Parce que, ben bah ouais, c'est peut-être marrant quand on débute le JDR de faire un bon vieux nain, mais toi-même, je suppose, quand tu dis, tiens, là, j'ai envie de faire un bon vieux nain, tu sais que c'est pour une partie ou deux parce que ça va oui. te défouler et tu n'iras jamais plus loin que ça parce que ça va t'ennuyer extrêmement vite. C'est vrai. C'est exactement d'ailleurs pour en ça fait, que je joue à Warhammer. Moi, Warhammer, j'y joue des fois. Bah, c'est le mon jeu des fouloirs, quoi. Bah, comme dit Ena Cretus là dans le chat, je pense qu'elle corrobore très bien tes propos. Désolé, j'ai peut-être coupé la parole à quelqu'un. Bah, Ransard, et puis après, on va se faire une petite lecture chat, justement. Il y a eu pas mal de choses intéressantes. Bah, Ena Cretus te rejoint vachement et c'est assez intéressant aussi ce qu'elle dit par rapport à ça. C'est un bon contre-argument. En fait, ouais, moi, le point que je voulais voir aussi, c'était, on parle beaucoup du stéréotype, un petit peu comme code de base d'entrée dans le jeu, mais on peut aussi parler de certains jeux qui peuvent jouer avec ces codes, avec ces stéréotypes et ces archétypes. Si on prend par exemple quelque chose comme Bimbo, où on va vraiment jouer avec les stéréotypes, ou si on pousse un peu le trait avec du 1%, où on va aller jouer des gros bikers, ça devient la base du jeu en lui-même, et c'est aussi une autre manière d'exploiter le stéréotype qui peut être intéressant. Ouais, tout à fait, hein. C'est vrai que ça va dépendre finalement des jeux. Donc on a eu pas mal de choses intéressantes. Alors, désolé, il y a peut-être des choses qui passeront hein, à la trappe, hein, on en est navré. Il y a ZHKer qui disait bah oui, que c'est vrai que c'est bien d'avoir des stéréotypes, certaines fois des archétypes, hein, parce que quand t'arrives sur un live Twitch d'Actual Play, puisque ça fait déjà une heure et demie que la partie est commencée, de retrouver ces archétypes finalement, bah tu vas plus facilement rentrer dans la partie. Ouais. C'est un peu ce qu'il disait. Ouais. C'est son ouais. point de vue, hein, voilà. Bah, niveau entertainment, ouais, mais... bah, aventure, oui, voilà. Je pense que aventure avec du joueur du grenier et compagnie, quoi, ça a très bien fonctionné pour ça. C'est qu'il jouait vraiment des archétypes et du coup, ça pouvait se suivre très très facilement parce que tu pouvais louper 3 épisodes, tu n'avais pas de problème dans la progression des personnages. Tu retombais sur les rails. Hein, ouais. Pour rebondir là-dessus. Pardon, vas-y. Oui, vas-y. Juste pour rebondir sur. Pardon, je voulais parler aussi, c'est pour ça, mais vas-y Samuel, vas-y. Juste pour rebondir sur ce que tu disais Ramos et ce qui a été dit dans le chat là, que tu as relevé au chat, je vois pas pourquoi on devrait arrêter de jouer des nains ou de jeter le bébé nain avec l'eau du bain. En fait. L'idée c'est que en fait, tu peux jouer un nain dans Warhammer, tu peux jouer cet archétype, mais tu peux aller aussi au-delà, tu vas pouvoir lui trouver des ressorts dramatiques intéressants. Les nains ont une espèce de... pareil, dans les clichés des nains, ils ont des pressions familiales assez importantes, des espèces de successions, de la noblesse, etc. Voilà, tu peux trouver des ressorts dramatiques liés à la famille, liés à l'honneur, liés à des choses comme ça, sans forcément tomber dans le cliché du nain qui va bouffer son gigot à la taverne. Je veux dire, tu peux faire autre chose d'un nain que ces choses-là. Et je pense que ça serait dommage d'évacuer des archétypes de fantasy qui nous semblent désormais un petit peu surannés, alors qu'on peut en faire aussi des choses intéressantes et qui ça permet aussi de renouveler le genre et ça permet aussi aux gens de s'en emparer plus facilement. Ouais. Voilà. Nous, on a peut-être de la bouteille, on peut peut-être jouer autre chose. Voilà. Bon, mais ça va, on est d'accord. Avec toi, parce que là, tu parles bel et bien d'archétype qui est une base de travail. On est dérivé là-dessus. Ouais. Donc, tu vas pouvoir aller plus loin et pas de stéréotype qui est un cliché qui t'enferme. C'est ça. Alors, Geek Librairie aussi, tu voulais rebondir Bah, en fait, c'est bon, je crois que Samuel a à peu près résumé le truc, hein, donc tout va bien. En fait, j'ai même pas eu besoin de prendre la parole. Je reviens, je vais faire des gaufres, hein, si vous voulez. Hein. Alors, apparemment, ZHK est en train de lancer un autre débat en parallèle sur le chat, hein, comme tu lui réponds, qui écrit librairie. Oui, mais c'est par rapport à Côte, en fait, mais c'est... Oui, c'est par rapport à Game of Thrones. Mais là, ce serait plus dans les stéréotypes et clichés littéraires que vraiment rôlistes, quoi. Ouais. Comme c'est aussi un peu ma cam. Par contre, attends, est-ce qu'on avait vraiment répondu à Anacrectus là ou pas? Alors, donc, qu'est-ce qu'elle nous disait? Mon ressenti en tant que joueur, c'est actuellement les stéréotypes dont vous parlez ont tendance à se transformer en archétypes, justement. De ce fait, on se sent parfois obligé de se justifier de son originalité, que ce soit dans le roleplay ou dans la phase de création de son perso. Alors. Ah, c'est intéressant, vas-y. Je dirais oui et non. Bah, en fait, comme d'habitude, comme toujours, ça dépend du contexte. Ça dépend aussi de base. Oui, mais bon, ça dépend aussi du groupe, ça dépend du contrat social qu'on a avec sa table. Ça dépend. D'où l'intérêt de discuter en début de partie. Toujours discuter en début de partie. Parce que, effectivement, si tu tombes sur une table qui sont des amateurs de stéréotypes et d'archétypes, à ce moment-là, l'archétype sur le stéréotype devient l'archétype et vice-versa. Et ça peut être très compliqué pour reprendre, par exemple, l'exemple du nain Warhammer. Sur Warhammer V1. J'ai commencé de manière très stéréotypale avec un nain qui a fini tueur de trolls. Ouais. Et une fois qu'il est mort, j'ai repris un nain. Mais par contre, j'en ai fait un ingénieur qui était beaucoup plus raffiné. Ah, ingénieur. Ah, ta gueule. Elle était facile, hein, fais gaffe à toi. Mais Oh bah, il y a le confinement, hein, je risque rien. Oh, t'inquiète, je sais où t'habites. Ah. Non mais plus sérieusement. Mais oui. Non mais plus sérieusement, voilà, par exemple, à un moment donné, on peut avoir aussi cette envie de changer, dire au groupe, non, moi j'ai envie de changer d'archétype, j'ai envie de changer de sortir de ces stéréotypes et de dire, non, désolé les gars, moi cette fois je vais prendre un ingénieur et je vais la jouer un peu plus raffinée, tu vois. Et c'est, en fait, c'est aussi à un moment donné aux joueurs, voilà, joueuse, dans ton cas justement, Enak, de dire, écoutez les gens, moi non, vos archétypes, vos stéréotypes me plaisent pas. Par exemple, je dis un truc tout con, mais dans Alien, si j'ai envie de jouer un accordéoniste, je vais jouer un accordéoniste à Alien, quoi. Ça va pas survivre longtemps, mais tu peux le faire. Mais moi, c'est vrai que j'ai un exemple là-dessus. Hein, donc, dans notre communauté, on a une table commune où les joueurs et les MJ tournent finalement. Hein, c'est pas toujours le même MJ. Et donc, moi, j'avais un joueur qui m'avait dit qu'il voulait faire un perso aveugle. Donc, mécaniquement, je lui avais fait ça au niveau de sa fiche. Donc, il avait des gros malus, hein, fatalement. Et puis, le MJ qui devait le faire jouer, il est venu me voir un peu paniqué. Par rapport à ça, c'était un MJ débutant en plus, hein, il m'a dit ouais, mais comment je vais faire et tout ça avec ce type de joueur et autres, hein. Et c'est vrai que quand tu sors un peu des sentiers battus, je pense que ça vient aussi un peu avec l'expérience du joueur qui va vouloir justement sortir, peut-être s'approprier ces archétypes, mais à l'inverse aussi, un MJ aussi expérimenté qui sera capable de ressortir toute la saveur d'avoir un archétype de quelqu'un qui se sera approprié. Je sais pas ce que vous en pensez. En fait, je pense que on a trouvé la distinction importante, c'est archétype et cliché. Par exemple, je pense au jeu de rôle propulsé par l'Apocalypse, il ne propose que des archétypes. C'est-à-dire que tu vas jouer un guerrier, dans Apocalypse War, tu vas jouer un céphale qui va avoir des pouvoirs psy, ou tu vas jouer le taulier, donc t'es un taulier et t'es pas autre chose en fait. Et t'es peut-être le seul vrai taulier du coin. Et à partir de là, on s'en fout que ton taulier il soit mal fringué, on s'en fout qu'il soit bien fringué, on s'en fout qu'il lui manque un bras, on s'en fout qu'il soit... Tu fais ce que tu veux au niveau de la fiction, peu importe, mais t'es un taulier en fait. Voilà. Mais après, en dehors de ça, t'es libre. Bon, après, t'as tes manœuvres qui vont donner de la nuance mécanique à ton personnage, mais il est dans un archétype, et à côté de ça, ça ouvre des richesses assez folles, quoi. Voilà. Ouais, et je pense que l'exemple, j'en avais parlé l'autre fois aussi, du jeu de rôle Lovecraftesque chez 500 Nuances, lui aussi est assez intéressant là-dessus, parce que, donc je rappelle, c'est un jeu de rôle très, très à autorité partagée, je vais pas dire narratif, autorité de jeu partagée. Où est Serial Realist quand on a besoin de lui? Où sont les pots de banane? Et du coup, voilà, c'est bon. Voilà, où en gros, les joueurs ont une grande autorité sur l'histoire qui va être racontée. Mais en fait, tout se déroule au début du jeu quand on va se mettre d'accord entre joueurs et maître de jeu, entre guillemets maître de jeu, parce qu'il a peu de pouvoir en vrai de maître de jeu sur l'histoire qu'on va raconter. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est une histoire typique, voire stéréotypique de Lovecraft, finalement. Donc en fait, tout le jeu se base sur le cliché qu'on a des nouvelles de Lovecraft. Est-ce que tout ça, ça nous appauvrit l'histoire? Est-ce que ça fait des histoires qui sont plus pauvres que dans un autre jeu de rôle parce que justement on est dans le stéréotype? Je pense pas. Le jeu reste quand même très très intéressant là-dessus, parce que du coup on peut broder absolument tout ce qu'on veut dans le cadre des histoires typiques de Lovecraft. Ramos, je te voyais faire non de la tête. Hein. Ah. Sur l'apocalypse. Ouais. Je suis pas. Je suis plus partagé que toi. Parce que justement, le livret que te propose sur chaque archétype, je le trouve souvent tellement corseté. En termes mécaniques, que au final, j'ai pas l'impression qu'ils permettent, au-delà justement d'une, comment dire, de quelque chose de cosmétique, hein, dont tu, comme tu parlais, le look, l'apparence, permet pas tant que ça d'échapper aux clichés au final. Mais je manque d'expérience dans l'apocalypse, donc. En fait, c'est l'exemple parfait de l'archétype et du cliché et du stéréotype, mais plutôt l'archétype, parce que du coup, on va éviter peut-être le péjoratif, parce que ce sont vraiment des jeux fabuleux, jouez-y. Bref, en fait, du coup, c'est un package. On te dit, par exemple, dans Apocalypse War ou même dans The Sprawl, tu joues du cyberpunk, tu es là pour jouer du cyberpunk, tu n'es pas là pour jouer à autre chose. Du coup, tu vas avoir des archétypes vraiment ficelés, corsetés, comme tu dis, mais c'est juste pour servir la partie, en fait. C'est pas pour t'enfermer dedans. Et t'arrives à des choses très très riches. Dis ça, bah, c'est plein de monde. Voilà. Ouais, bah j'ai vexé, voilà. Moi j'ai une question un peu compliquée. Et dans des jeux comme Insectopia, comment on prend les clichés et tout, et les stéréotypes? Je le connais pas, donc je me garderai c'est bien très d'en difficile. Parler. Mais en fait, c'est justement, tout à l'heure on parlait d'autres... En fait, c'est difficile de parler pour moi dans un jeu comme Insectopia de clichés parce que, pour le coup, d'une certaine manière, comme on disait en début de débat, la culture commune sur ce point n'existe pas vraiment. À part peut-être ceux qui ont lu un peu les fourmis de Werber, les clichés sur la mentalité de la menthe religieuse par rapport au cloporte, on en manque. Ce qui fait que ça rebute quand même pas mal de joueurs. Moi, je sais qu'à Insectopia, il y a pas mal de gens qui se sont sentis complètement perdus pendant la partie parce qu'ils ne savaient pas comment jouer leur personnage. C'est parce que tu es un scarabée. C'est pas lié qu'à Sectopia. Hein. Il y a peu de temps, j'ai joué du Eclipse Phase. J'ai aussi pas un petit peu de mal à rentrer dans la partie parce que l'univers est touffu. Et donc, c'était un petit peu compliqué au départ, finalement, de rentrer dedans et du coup, derrière, de me faire d'interpréter mon personnage. Mm. Et sinon, voilà. je vais laisser Geek Library, parce que tu as justement Bibionic qui a vraiment dit, hein, par rapport, il trouvait que ton ingénieur était aussi finalement un des stéréotypes du nain de Warhammer. Alors là, c'est que mon expérience personnelle après et des tables que j'ai pu faire à gauche, à droite en convention, des nains ingénieurs, j'en ai pas croisé des masses, des prêtres des runes peut-être un peu plus. Et encore, des prêtres des runes, quand j'en croisais, c'était des joueurs de Warhammer Battle. Attention, parce que un stéréotype, c'est pas parce qu'il est répandu qu'il est plus stéréotypique, je sais pas si ça se dit. Il y a un autre, stéréotypé. Stéréotypé, merci. Stéréotypé. Mais, j'avais envie de dire aussi un autre truc, c'est... Alors, je pense que les stéréotypes, de toute façon, dans la création du personnage, ils seront là. De toute manière, c'est plutôt là qu'on va parler d'archétype, du coup. C'est ça, et les stéréotypes, c'est la manière de le jouer. Voilà, exactement, c'est la manière de le jouer. Et je pense que sur la manière de le jouer, c'est là, à ce moment-là, que du coup, le débat sur le stéréotype, à mon avis, peut poser problème. Parce qu'en fait, il y en a certains qui vont avoir leur nain pour prendre l'exemple de Tolkien là, un peu bourru machin et tout à la Gimli mais en même temps ils le joueront pas forcément comme ça je sais pas si j'étais clair et là je vais répondre vite fait à The Asker. Alors effectivement oui, mais moi je te parle d'une époque en tant que boomer du JDR. Quand j'ai commencé Warhammer, c'était donc là, dans les années début 90 déjà. Excusez-moi, je me remets. Désolé. Mais effectivement, des nains ingénieurs, t'en croisais pas tant que ça à l'époque. Après oui, ça s'est démocratisé et ça arrivait justement que Crane joue un nain ingénieur maintenant. Mais il faut voir aussi le passif de Crane, qui est aussi peut-être, à l'heure actuelle, je sais pas, là je dis peut-être de la merde, mais peut-être aussi un ancien joueur ou un joueur actuel de Warhammer Battle. Peut-être que le mec aussi a une armée naine chez lui qui prend la poussière dans ses tiroirs et tout ça. Tu vois, il faut pas oublier ce genre de détails. C'est-à-dire, après, par exemple, pour moi, ce que je considère comme un archétype, c'est ce que nous présente tout le bouquin de base, et un stéréotype, ou cliché si vous voulez, c'est quelqu'un qui va dire « Non, je vais prendre un combattant des tunnels parce que les nains, c'est fait pour combattre. » Voilà, tu vois. Moi, je le vois, okay. Moi, je le vois comme ça. D'accord. Alors, voilà, Ramos, juste... et puis ensuite, Jaden. Oui, en tout cas, tu as lancé tes premiers dés sous Mitterrand, et ça, je trouve ça beau. Je sais pas comment le prendre, ça. Hein. Pareil. Donc, bon. C'est même la cohabitation, monsieur. C'est la cohabitation. Alors, vas-y, Ramos. Désolé. Juste, alors, tout petit truc pour ce que vient de dire Geek Library. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Justement, on a commencé avec des copains-copines à faire une table de Warhammer. Et il y a quelqu'un qui a fait un ingénieur. Et doit avouer, quand j'ai vu que son ingénieur était humain, j'ai tiqué. Il y avait un ingénieur humain, et sur le coup, je fais « Oh, c'est pas un nain, d'accord, cool. » Et tu parlais, ce qui est rigolo, c'est aussi de se dire « Tiens, mais un peu d'où viennent les clichés ?» Là, il y a, vous disiez « Tiens, le cliché du nain, la Tolkien, comme Gimli. » Ouais, sauf que ça, c'est un cliché qui vient du film, parce que le vrai Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, le bouquin, ça n'a rien à voir avec ce cliché, en fait. Non, non, il est raffiné, il est distingué. Il a une relation qui est proche du Finamor des troubadours avec Galadriel. Ça n'a rien à voir. En fait, le quelque part, la naissance, l'origine du cliché n'a rien à voir avec le cliché. C'est ça qui est marrant. Ouais. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Mais tout le monde sait que là, parce que c'est Peter Jackson est pro-elfe, tout le monde le sait. Alors, vas-y, Jaden. Et même, il y a quelque chose qui est assez intéressant. J'avais vu une étude il y a pas longtemps. En gros, c'était une étude de fréquence de quelle classe et quelle race et quelle classe les joueurs de Donjons et Dragons prennent, qu'ils avaient fait, je crois, aux États-Unis. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui, du coup, étaient très répandues sans être des clichés. J'étais assez étonné, par exemple, que le nain prêtre était énormément pris. Alors, je sais pas si c'est autour de mes tables ou ça s'est rarement arrivé. Ça a pu arriver, mais assez rarement par rapport à des nains guerriers. Mais le nain prêtre, ben c'est. Là, je vois, il y a plus de nains prêtres que de nains guerriers, par exemple. Ah, sérieux ? D'accord. Oui, oui. Ben là, ah, mais c'est les États-Unis, ouais. C'est pour ça. Et... c'était pour des raisons de rôle. Les nains, je l'envoie dans le chat. Jaden, cherche pas, c'est des simulationnistes. Ça se trouve, il y a une histoire de bœuf et de caractéristiques qui fait que nain prêtre, c'est plus rentable que nain guerrier, en fait. Les statisticiens qui sont simulationnistes, moi ça me rassure. Ah, ça a pas marché le lien dans le chat, ça a mis des astérisques. Ah merde. Ouais, je pense que bah il faut que tu l'envoies à Gossed en privé. Je vais l'envoyer à Gossed en privé pour qu'il le rassure. Voilà. Parce que c'était assez intéressant pour voir en fait que certaines choses ne sont pas des clichés et pourtant qui sont beaucoup plus répandues. Comme quoi les clichés ne représentent pas forcément la réalité de ce que les joueurs jouent. C'est ça. Voilà. Alors. Et comme on a dit tout à l'heure, les clichés c'est souvent peut-être une minorité qui sont beaucoup plus visibles que d'autres. Bon, par contre, les elfes, c'est vraiment des rôdeurs. Hein. Là, pour le coup, c'est un vrai cliché. Ça arrange pas. Mais le tableau est très intéressant. Je vous invite à le regarder. Après, ça dépend de où a été faite l'étude aussi. Parce que les clichés qu'on va avoir en France vont pas forcément être les mêmes qu'on va avoir aux États-Unis et ainsi de suite. Il y a peut-être aussi une notion culturelle aussi du stéréotype. Ouais. Ça, là, il y a marqué les races et les classes en combinaison pour 100 000 personnages que les gens ont créés sur D&D Beyond depuis. Ouais. Depuis 2017 jusqu'à la sortie de l'étude. Donc ça, à mon avis, c'est sur un an. Bon, ouais. Bref. C'est laid. Il y a la méthode, il y a la méthode dedans et tout. Alors, c'est bien parce que je vois que mon tout premier perso de JDR est un cliché. Magnifique. Ouf, on n'en parle pas de mon premier perso. Hein. Donc, oh, bah, Valio... Valio qui nous dit, pour Ramos, après de nombreuses parties en PBTA, notamment Monster Head ou Mask, il me semble jamais avoir vu deux personnages jouer pareil. Le stéréotype est aussi très personnel à chaque personne et pas mal intériorisé par chacun. Oui et non. Bah, je laisse parler. Non, mais en fait, c'est juste pour prendre la parole, mais pour moi, je suis absolument pas d'accord. Désolé, là, pour une fois, ça va être net. Pour moi, un stéréotype, c'est un socle commun à la culture populaire. Bah, si t'es pas d'accord, faut pas dire oui et non. Non, c'est juste pour prendre la parole et faire rire tout le monde. C'est pas pareil. Ah, bout en train. Voilà. Mais voilà, moi, je suis absolument pas d'accord. C'est que le stéréotype part d'un socle commun. Après, oui, il peut être intériorisé par chacun, mais la base, c'est non. C'est un socle commun, Valio. Je suis désolé. Ne le prends pas mal, hein. Rien contre, rien de personnel. Hein. Mais voilà, c'est clairement pour moi, le stéréotype est vraiment un socle commun, quoi. Voilà. Et voilà ce que dit Valio, hein, je pense que chacun y apporte sa propre sensibilité. Il me semble que c'est un peu ce qu'on a dit, hein, au final, hein, c'est que oui, on a cette culture commune, comme l'avait si bien dit Ransard au début. Et puis après, on va y apporter chacun sa petite pièce, sa petite manière, en fin de compte, d'interpréter. Hein. On a souvent parlé du nain, bah, chacun va avoir sa manière d'interpréter justement ce nain. Bah, je pense qu'il rebondissait surtout sur la remarque de Ramos et les livrées et archétypes vachement corsetés. Alors que finalement, même si c'est corseté, bah, j'ai envie de dire, tu vas pouvoir faire les nœuds que tu souhaites à ton corset, quoi. Voilà. Et après, il y a un truc... Dès qu'on commence à dire des choses sur l'apocalypse, bon, la foudre vous tombe dessus. Il y a pas mal de partisans, et du coup, c'est vrai que voilà, on défend un peu bec et ongle. Voilà. Mais il faudrait que tu joues un jour. Je sais pas si t'as déjà joué, mais en tout cas... Assez récemment, sur une petite chaîne YouTube qui monte, appelée 2D6 plus cool... Ah, non, je connais pas. Oh là là, tu viens de vendre la mèche. Oh, Volsung, il va très très bon. Il a horreur de ça. Oh là là. Ah, il aime pas qu'on lui fasse de la pub comme ça. Mais au dernier débat, il insistait pour qu'on en parle jamais en plus. Ah ouais, c'est ça. Hein. Il veut pas qu'on parle de 2D6 plus cool. Hein. Non, c'est clair. Comment tu dis ? 2D6 plus cool. D'accord. Ok. Mais. Non, j'ai vu un autre message qui permet de rebondir un peu dans d'autres stéréotypes dans le JDR, c'est le message de à la coquin. Oui. Qui disait. Oui, je sais. Les gens qui font le chat. Attendez, c'est pas le bon jeu de rôle là dont on parle. Alors, je sais, après... on est passé au roman érotique, ouais. Qui disait après, on peut aussi parler de qualité de stéréotype, genre dans le pas bon, on a le héros orphelin sans raison et l'amnésique. Oui, effectivement, mais ça c'est. C'est du cliché de fiction en général. C'est du cliché de fiction et généralement les gens qui font ça, on va dire que 90% c'est des grosses feignasses. Après, je voulais revenir sur quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est à mon avis c'est assez important aussi de l'aborder. Vas-y. C'est qu'en fait il y a stéréotype et stéréotype. Il y a le stéréotype bête et méchant, celui qui fait pas de mal, et il y a les stéréotypes qui posent beaucoup plus soucis. Il y a les stéréotypes sexistes, racistes, tous les mots istes ou phobies qui peuvent exister. Ces stéréotypes-là, ça, on sort en fait du cadre du stéréotype bête et méchant qu'on peut s'amuser avec, tout ce qu'on a dit pour défendre un petit peu l'utilisation des stéréotypes dans le jeu de rôle en général, quoi, qu'on peut utiliser, ça fait un socle commun. Par contre, qu'on ait en socle commun la petite elfette en string, c'est autre chose. Voilà quoi. Je voulais rebondir là-dessus justement, j'avais pensé à juste ça. Après Ramos, mais vas-y. Vas-y, Arféor. Ok, d'accord. Ok, j'avais pas compris. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Jaden. Mais alors, il y a une question qui se pose et je trouve l'assaut dans laquelle je suis. Je vais faire la petite pub hein, à tous les Alsaciens qui ont envie de faire du GN, du jeu de rôle et etc. Allez voir les Forges Monde, c'est une super assaut trop bête. Du coup, avec les Forges Monde, il y a justement ces questions qui s'étaient posées. Alors plus pour des GN. Mais aussi pour des jeux de rôle, c'est jusqu'où on peut aller, dans quel cadre et comment. Et je vais m'expliquer. En gros, j'avais fait un GN, où en gros je jouais à un ancien combattant qui avait fait l'Algérie. T'es un ancien combattant qui avait fait l'Algérie, mais qui était en mode, l'Algérie devait rester française, etc. Du coup, en fait, je pense que tu peux quand même jouer ces clichés racistes à partir du moment où tout le monde autour de la table a bien compris que c'est qu'une caricature et que c'était un truc que tu ne penses pas, dont personne ne va penser, mais il y a ce genre de cas qui pour moi font un peu exception, mais une fois de plus ça se discute avant, et je pense que c'est ce qu'on va mettre comme bandeau avant en dessous de mon truc hein, ça va être il faut que ça se discute avant la partie. Et en gros, je pense que voilà, ça rentre dans cette prérogative là. Et d'ailleurs, les Forges Monde, du coup, avaient mis en place un système qui était vachement bien, où en gros, il y avait des gens qui étaient identifiés comme des gens que tu pouvais aller voir n'importe quand dans la partie, casser le roleplay et dire. En fait, là, il y a quelqu'un qui me dérange, il y a un truc qui me dérange, je veux pas aller jusqu'à tel point, je veux pas aller jusqu'à telle simulation, je veux pas, par exemple, qu'on me décrive en détail une scène de viol ou de torture, tu vois. Et ça, je trouvais ça très bien. Parce que du coup, tu fixes tes limites-là en fonction de ce par quoi les gens ils sont embêtés. Et justement, je pense que ce sujet-là est à prendre en compte de cette manière-là. Ok. Donc Ramos, donc, toi aussi, également. Oui, ouais, c'est écrit sur le live. Moi, c'était plutôt pour applaudir Jadencor. Parce que je suis extrêmement d'accord. Et même, ça permet d'élargir le débat, parce que là, on parle de clichés en termes de personnages, mais justement, ce que tu soulèves, Jaden, c'est aussi le cliché en termes d'univers. Et c'est là que, justement, toutes ces problématiques peuvent assez plus ou moins discrètement s'intégrer, notamment dans tout ce qui est fantasy, médiéval fantastique. Parce que, ouais, cliché de base, médiéval fantastique, on est dans une espèce d'Europe de l'Ouest du vague faux 15e siècle. C'est le cliché de base. Et tu vois que là-dedans, il y a tout un tas de clichés qui sont à la fois sociaux, à la fois sociétaux et à la fois ethniques qui se baladent allègrement, quoi. Combien d'univers de JDR ont une espèce de vague représentation clicheton d'une civilisation plus ou moins viking, d'espèces de barbares des steppes sauvages dans lesquelles on reconnaît lointainement des Mongols. Et je ne te parle même pas des mystérieuses et lointaines et pleines de sagesse civilisations d'un Orient extrême, où évidemment tout le monde fait du kung-fu et mange du riz. Énormément d'univers. Énormément d'univers. Ouais. Et ça, c'est des clichés qui, justement, pour le coup, ils ont l'air innocents, mais ils ne le sont pas du tout. C'est clair, on est d'accord. Ouais. Ouais, vas-y, Ransa. Ouais, après, c'était juste pour rebondir, parce que, en fait, est-ce que c'est du stéréotype, du cliché, ou de la faiblesse d'écriture ? Bah, la faiblesse d'écriture vient du fait que tu utilises un cliché sans y réfléchir, sans savoir d'où tu te positionnes quand tu écris, et tout ça. C'est... Du coup, tu ne fais que véhiculer le cliché. Donc à ce moment-là, faut aussi choisir quel média, quel support on va utiliser, et on peut aussi poser la question d'approfondir certains backgrounds, certaines pensées par rapport à des peuplades qui sont décrites, tout genre de choses, des modes de vie. Après, c'est peut-être aussi dans le choix du jeu au départ, de pas choisir des jeux qui vont véhiculer le stéréotype et le cliché. Sauf si c'est le propos du jeu en l'occurrence, mais. Oh, des fois même des jeux où l'univers n'est pas intrinsèquement porteur de clichés sociaux ou culturels, les joueurs peuvent très très bien l'amener assez facilement en vrai. Là, souvent ça vient plus des joueurs, les univers évidemment, mais les univers sont plus le reflet finalement de certains créateurs. Donc certains créateurs peuvent décider de pas en mettre du tout, mais en fait c'est souvent aux joueurs qui vont incarner ça. Je pense. Je pense à Degenesis par exemple, qui utilise énormément la problématique du racisme à l'intérieur, où vraiment on peut le jouer très violemment, parce qu'il y a énormément de racisme entre les différentes cultures dans Degenesis. Je suis que joueur, j'ai pas lu le livre de base sur Degenesis. Et pareil, là, ça peut aussi porter à poser des questions là-dessus, et notamment pour je pense aux joueuses ou aux joueurs qui sont pas forcément qui sont pas forcément blancs par exemple, où le jeu est en vrai Degenesis au contraire renverse un peu le truc, étant donné que l'Afrique c'est un peu l'Eldorado et l'Europe est en train de se casser la gueule complètement, mais du coup ça joue énormément là-dessus et voilà, ça va vraiment dépendre des joueurs avec qui on l'incarne. Et encore une fois, c'est vrai qu'on est un peu tous autour de la table, c'est vrai que de la table de débat, c'est vrai que on pourrait se poser la question de le ressenti d'une joueuse n'est vraiment pas du tout le même ressenti que nous, par exemple. Oui. J'invite les gens à aller voir, évidemment, le célèbre Tumblr. Comment il s'appelle ce Tumblr ? Et pourtant, elle joue. Et pourtant, elle joue, voilà. Mmh. De Rollist Femme qui témoigne, qui est assez édifiant là-dessus. Et je pense que c'est des choses qu'il faut vraiment, vraiment prendre en compte. Surtout, comme tu dis, au début des parties, Arféor, au début des parties, d'être d'accord sur ce qu'on veut jouer et qu'on ait toujours ce cadre de la fiction-là. C'est un peu confus, je suis désolé. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Jaden, et... Pardon. Vas-y. Ouais, c'est top, merci. Et puis Valuo disait, pour le contrat social, on entre dans la sécurité émotionnelle aussi. Certains clichés, slash stéréotypes peuvent être dérangeants. Et je suis tout à fait d'accord, et je trouve que ça rejoint bien ce que tu dis, Jaden. Et je pense que C'est vrai, et en plus de ça, bon, bah, on va pas se cacher que quand même le milieu rôliste, bon, bah, c'est comme le milieu du jeu vidéo et d'autres milieux un peu masculins, quoi. Il y a quand même pas mal de sexisme, pas mal de blagues qui vont être assez déplacées sur ah, mais toi t'es une meuf et tu joues l'elfe, machin, t'es trop nul et t'es trop conne. Et ça, c'est dégueulasse. Je pense que c'est des trucs qui se discutent avant. Et surtout, en fait, si jamais un joueur a des propos comme ça, autour moi j'hésite pas à briser le roleplay, je le ferai très rarement, je déteste briser le roleplay, mais dans ce genre de cas j'hésite pas à recadrer quoi et dire ouais attends ça va pas du tout là, ou alors dire justement aux joueuses ou personnes autour de la table qui pourraient être cible de clichés, de dire en fait dans ce genre de cas n'hésitez pas à briser le roleplay et dites-le si un truc vous dérange, même si ça brise le roleplay, on s'en fout, je veux dire on est tous là pour quand même que les gens passent un bon moment, donc l'immersion il y a certains moments où on peut la briser quoi. Après je sais pas si c'est cliché, c'est mais... un oui. Je sais pas si c'est cliché, mais moi la plupart du temps les femmes que j'ai vues jouer au jeu de rôle elles préparaient plutôt des guerrières à l'épée à deux mains quoi, donc Ouais, pas de mon côté. Je pense que ça dépend vraiment de l'expérience personnelle des gens, quoi. Ça va dépendre. Ramos aussi, tu voulais rebondir aussi sur. Oui, sur ce que disait Jaden. Tu parlais des Genesis, c'est un bon exemple, et c'est là que tu vois aussi que là, on parle beaucoup de la responsabilité des joueurs, mais celle des auteurs et autrices engagées. Des Genesis, c'est clairement un jeu bien plus récent que les jeux dont on parlait jusqu'à maintenant, et toutes ces problématiques, même si elles sont présentes, elles sont présentes en ayant conscience par les auteurs. Qu'elles sont présentes. C'est pas du tout la même chose. Ça tombe sur Warhammer ce soir, je suis désolé, mais c'est un bon exemple d'un jeu de génération bien plus ancienne Warhammer, où ben, mine de rien, t'as les archétypes des persos, mais t'as notamment tous ces archétypes qui sont là, c'est les nains n'aiment pas les elfes. C'est-à-dire que on met sous-jacent, même affiché, le racisme est une chose normale. On voit c'est pas fait avec mauvaise volonté, bien entendu que ça n'est pas la volonté, mais on voit que ça, on est dans un jeu d'une génération où tout ça n'est pas pensé, ou d'une époque où on n'estimait pas que c'était une problématique, alors que n'importe quel jeu écrit de nos jours intégrerait ça. Mais Tolkien, dans son œuvre, il y a quand même quelques descriptions racistes, hein, bien que le mec ait fait une œuvre assez cool, mais ouais, il y a quand même un truc un peu raciste dans le délire, hein, donc c'est assez gênant. Et puis, un autre truc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit de Hashker 1993 dans le chat, et un autre truc, merde, j'ai perdu le fil. Et un autre truc, oui, voilà. C'est comme dans différents médias, comme le cinéma, etc. Après, on peut toujours jouer, si dans un commun accord on est d'accord, de jouer un personnage raciste, mais justement, à travers ça, c'est plus montrer l'absurdité du truc et dénoncer ce machin-là. Et on peut quand même, avec une certaine finesse, quand même le jouer, bien sûr, si tous les joueurs sont d'accord, de cette manière-là. Oui, on peut se servir des clichés pour les démonter, c'est clair. C'est une, c'est totalement. Ça peut aider, ouais. Faisable. Ouais. Bon, on peut tout à fait. Hein. Mais pour rebondir, c'est aussi important de bien discuter avec la table. On parle souvent du contrat social avant, mais il est permanent en fait. Il bouge quoi au fil des parties. Il faut pas hésiter en fin de partie de faire un débriefing. Ah. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont gêné? Est-ce que ça va? Est-ce que voilà, donc c'est quelque chose qui est voulu. C'est pas parce qu'au début de la partie on a dit que c'était comme ça que ça devait pas bouger. Donc c'est important aussi de parler de certaines choses, surtout quand on aborde des thématiques qui peuvent virer dans le cliché ou dans les stéréotypes qui peuvent blesser d'autres personnes. C'est quand même assez essentiel. Et ça, il y a pas mal de monde qui l'oublie ou alors qui disent « Ah non, mais on peut pas jouer à notre jeu moyenâgeux si on bat pas les femmes. » Non mais ça va, détends-toi. Ton jeu, il sera pas moins bien si tu fous pas des tartes à toutes les femmes que tu croises, quoi. Ça va pas changer la donne, quoi, je veux dire. Et ça, je vois encore énormément de personnes sur le Discord et etc. qui disent « Ah ouais, mais c'est pas histo. Ah oui, mais mon jeu va être dénaturé. » C'est comme le truc là sur Kingdom Come. Ouais, mais c'est ça. Non, mais il y a des gens qui le sortent sur Warhammer ou d'autres jeux. C'est pas histo, quoi. Genre, pour eux, c'est du Moyen-Âge, quoi. Je veux dire, alors ça doit reproduire justement tous les clichés, tous les stéréotypes du Moyen-Âge. Alors, mais dans ce cas-là, justement, on peut parler de ce que c'est les clichés du Moyen-Âge par rapport à ce que c'était en vrai le Moyen-Âge. Et là, je pense que beaucoup de gens qui disent c'est histo tomberaient des nus. Notamment sur la place de la femme au Moyen-Âge. Sur la place de la femme, sur également tout ce qui est hygiène aussi. Hein, non mais Je pense que les gens qui se défendent de ça, c'est pas non plus des génies de l'histoire ou de quoi que ce soit. Oui, non, tout à fait, voilà. Tout à fait. En fait, c'est juste un moyen pour eux de faire peut-être passer certaines de leurs idées. Je suis pas sûr que ce soit si mal intentionné. C'est peut-être de la maladresse ou de la méconnaissance ou un peu de stupidité ou de confort, ouais, en fait. On a du mal à sortir de sa zone de confort. Genre, moi, j'ai toujours fait comme ça. Pourquoi je changerais, hein? Ça fait 30 ans que je joue au jeu de rôle. Je sais comment on joue. Voilà, il y a souvent ce discours-là aussi derrière. Bon, là, ce soir, on a de la chance d'avoir des boomers progressistes. Yes. Mais dans ces cas-là, si nous sommes plus des boomers, parce que boomer et progressiste, c'est antinomique. Je suis désolé. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il faut choisir. Rappelez-vous que les vrais boomers, la vraie génération des boomers, c'est ceux qui ont fait mes 68 à la base. Oui. C'est vrai. Et désolé, je suis né en 80, hein, donc ouais, ça va, mais ils ont pu faire mes 68. Enfin, ils l'ont pas fait forcément, tu vois. Ils auraient pu être à la fenêtre et faire bouh, regardez les salons. Alors, il y a Couillu, hein, ouais. Couizy, ouais, là. C'est ça, ça, donc. Tu es allé à l'élection de Mitterrand. Non, je ne suis pas d'accord. C'est au contraire une bonne leçon de vie, l'histoire de la bonne rancœur entre les elfes et les nains. Voilà deux races totalement différentes qui se retrouvent ensemble et s'entraident devant, devant l'adversité d'une aventure. C'est tout le contraire du racisme. Après, ça va dépendre finalement comment tu vas le jouer. C'est un petit peu ce que montre Peter Jackson finalement. C'est dans le deuxième ou le troisième film, non, dans le deuxième en fin de compte, hein, où justement il dit je pensais pas mourir. À côté d'un elfe, et puis il répond, et à côté d'un ami, voilà, ça je peux. Bon, oui, et c'est vrai que l'adversité va resserrer des liens entre des joueurs. Vas-y. Ouais, je pense qu'en fait, ce que voulait dire Ramos aussi, c'est un peu la différence entre, on va reprendre Warhammer, du coup, entre Warhammer et l'univers de Dragon Age, par exemple, je pense à celui-là, où en fait, dans Warhammer, les elfes, les conscients de monde à un nain, pourquoi est-ce que t'aimes pas les elfes? Parce que c'est des elfes, voilà. Dans Dragon Age, c'est parce que, pourquoi tu n'aimes pas les elfes? Parce que c'est des elfes. Mais on va beaucoup plus loin, et les elfes sont dans des faubourgs, et ils sont c'est la lie de la société, et ou bien certains sont rassemblés, il me semble. Moi, je préfère The Witcher, mais ils sont aussi ghettoisés à fond et tout ça. Il y a une, en fait, la différence, c'est que là, en fait, on a conscience que c'est pas une question anodine, le fait de rejeter quelqu'un par rapport à des caractéristiques physiques, etc. Voilà, enfin, de même très clairement sur ces critères-là, tout simplement. Et à mon avis, c'est ce que voulait dire Ramos, là-dessus. C'est aussi que c'était carrément intégré dans les règles, et ça venait de Warhammer Battle, c'est-à-dire, par exemple, des fois, ton MJ avait légitimement droit de te faire faire un jet, je sais pas, de force mentale, par exemple, ça, si tu devais aider ton copain elfe et que t'étais un nain, parce que ton atavisme faisait que tu devais mécaniquement faire un jet de dé pour voir si t'avais le droit de l'aider. Tu commençais en fin de compte avec le truc animosité envers les elfes. Exactement. Voilà, dans Warhammer V1. Il y avait Cécile qui nous posait qui avait une question assez intéressante. Quel stéréotype ou quel archétype, hein, finalement, on aime bien jouer? On va faire un petit tour de table comme ça. J'aimerais juste rebondir avant sur un truc du chat pour rester juste dans le thème avant de passer à celui-ci qui me paraît cool aussi. C'était le Gabriel Hobbit qui disait Tolkien raciste. Juste non, il avait des discours contre l'apartheid qui l'a bien connu en Afrique du Sud. En fait, c'était par rapport à plutôt aux Asiatiques, il me semble, cette histoire de racisme, mais je pense que c'était plus lié à une genre de maladresse, justement lié à de la méconnaissance, quoi. Et ensuite, un autre truc, c'était une grosse partie, c'est Al Pangolin qui dit une grosse partie des clichés du Moyen-Âge nous viennent de la Renaissance, où il a les 2000 ans. Et c'est vrai, je suis plutôt d'accord, c'est vrai que. Des gens qui développent des JDR ou même des développeurs de jeux vidéo, hein. On pense notamment à l'équipe qui a développé Kingdom Come Deliverance, qui justifiait aussi un certain nombre de choses en disant oui, mais c'est le Moyen-Âge, gnagnagna. Bon, c'est vrai que en fait, c'est tout le problème du Moyen-Âge, c'est ce qu'on en a eu pour beaucoup de trucs, c'est aussi des trucs qui ont été complètement déformés par la Renaissance. Et en fait, voilà. Et un autre message, je sais plus de qui, à la cocaïne, qui dit quand tu vois le racisme dans The Witcher, par exemple, c'est vénère. Bon, là, c'est un jeu vidéo, mais pareil pour le jeu de rôle. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a où tu fais un jeu de rôle et tu dis des trucs racistes et tu fais des trucs racistes et ça c'est pas cool, ou alors tu fais un jeu de rôle et dedans tu parles de questions de racisme et là c'est différent parce que du coup en fait si tu parles d'un univers dans lequel il y a du racisme, bah aujourd'hui aussi en France, partout dans le monde, il y a du racisme, en fait ça fait partie malheureusement de notre société, donc finalement je pense en parler tout en le dénonçant et en faisant en sorte de montrer la conne avec ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça peut être casse-gueule, mais oui, c'est vrai, les romantiques du 19e aussi. Bonne chose. Oui, justement, si, si c'est bien amené. Le 20e, c'est le parti pris d'un jeu comme Crime, où vraiment là, on est dans du puristo, il le montre très bien, mais c'est vraiment. C'est un jeu qui te désidéalise la belle époque en faisant une époque sombre, pleine de clichés, très corsetée. Quand tu fais ton perso, tu fais son archétype jungien, pour le coup, pour de vrai, mais aussi tu définis quels sont. Ces atavismes tant sociaux qu'ethniques que religieux. Et du coup, ça devient très intéressant à jouer parce que là, tu vois ce que c'est qu'une société qui est nourrie à l'archétype, au racisme, à la violence sociale et ainsi de suite. Ok, donc on va répondre à la. Pour reprendre un ping-pong du débat précédent, Crime, soutenez la création française. Tout à fait. On va répondre à la question de Cézy, du coup, se faire un petit tour de table pour répondre un petit peu des archétypes, les stéréotypes que vous aimez jouer. Hein. On va commencer par Ransard, du coup. Moi, c'est plutôt stéréotype, on va dire, je pense, le magicien. Voilà, le magicien qui n'est pas super doué de ses mains. C'est plutôt par rapport à l'historique Donjons et Dragons, donc un petit peu le mini-maxeur inté qui ne sait pas faire chose de ses 10 doigts, si tu veux, mais qui sait lancer des boules de feu. Donc voilà, pour ma part, ce serait plutôt ça, même si ce que je trouve intéressant dans le fait de jouer un cliché, en fait, c'est qu'au fur et à mesure des parties sur des campagnes un peu plus longues, c'est vraiment de s'approprier ce truc-là et de le dépasser vraiment, un petit peu comme ce qu'on expliquait par rapport au racisme, c'est de pouvoir côtoyer des personnages aussi qui sont pas forcément du même, on va dire, bord que nous, qui ont pas la même vision, et en fait de pouvoir dépasser le propre stéréotype qu'on incarne pour devenir autre chose, et ça je trouve ça intéressant. Voilà. Alors, Jaden, toi, stéréotype, alors, à l'archétype, moi, peut-être parce que je suis un peu cinéphile et tout ça, mais j'adore jouer les héros de KPDP, tout ça, moi j'adore ça, mais vraiment fou cliché, un peu naïf, à la Will Turner, D'Artagnan, tout ça, j'adore vraiment jouer ce genre de truc, mais plus dans un truc un petit peu plus Donjons et Dragons classique, on pourrait être en mode fou de jeu de rôle. Le paladin, en fait, surtout, je pense. Genre, jouer le loyal bon. J'aime bien ce genre de truc. Le chevalier loyal bon qui va sauver la veuve et l'orphelin, je sais pas. C'est comme ça que j'aime bien regarder le personnage, vraiment, quand j'aime bien aller dans le cliché. Ça marche. Samuel ? Du coup, je joue pas tant que ça en tant que PJ, je mène plus qu'autre chose, mais j'aime bien jouer sur. Les clichés qu'on peut avoir via les inégalités sociales, la lutte des classes, tout ça. Donc j'aime bien souvent appuyer là-dessus et démonter un peu justement ces clichés en disant que tout n'est pas aussi simple, que les riches ne sont pas tous de grands méchants capitalistes et que les pauvres ne sont pas tous des gratteurs de terre incultes, ce genre de choses. J'aime beaucoup. D'accord. Ramos ? Bah, un peu comme Samuel, moi je maîtrise bien plus souvent que je joue, donc on peut dire que quelque part je joue pas assez en tant que joueur pour vraiment avoir des persos qui reviennent très fréquemment. Mais en ce moment, ce qui m'éclate, c'est un peu le démerdard, typiquement le titi parisien qui est pas vraiment un bandit, mais qui est un survivant quoi. Il fait ce qu'il faut quand il faut, c'est parfois pas très sympa, mais il faut ce qu'il faut. Ok, ça marche. Geekly Bray. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup plus MJ que joueur, mais j'ai eu quand même des périodes joueur, et ça dépend beaucoup des univers. Par exemple, la D&D, je ne jure que par le Bard. Allez savoir pourquoi. J'aime beaucoup en fait les persos qui sont un peu ce qu'on appellerait des faces dans les cyberpunk. J'aime vraiment ce genre de perso-là, un peu négociation, discussion, un petit peu bling-bling, m'as-tu vu ? Il y a de ça. À Vampire, j'ai eu une grosse période malkavien. Par exemple aussi, j'adorais jouer des fous. Et ça se retrouve dans d'autres persos. Ça dépend en fait. Ça dépend vraiment de l'univers. Quand l'univers me parle, en fait, je vais m'inscrire souvent dans un stéréotype. Ou un archétype, hein, ça dépend comme mon point de vue. Par exemple, dans les post-apo, je suis un bricoleur touche-à-tout. Tu vois, par exemple. Et je suis assez là-dessus. Après, par exemple, j'ai un gros défaut à D&D, je le confesse. J'ai un petit côté Rensar, je suis un gros min-maxeur aussi à D&D quand je m'y mets. Je le reconnais, j'ai ce petit défaut-là aussi. Et donc, bah, Arféor. Alors, je pense qu'il faut que ça se discute avant. On va faire un débat exprès pour ça. C'est pour te... On va t'en faire un t-shirt aussi, je pense. Non, mais... Vas-y. En gros, dans tout ce qui est plus univers médiéval, fantastique, enfin, dans la plupart, j'aime bien jouer des persos plutôt charismatiques. Ça, j'aime bien. Genre plutôt sur des alignements chaotiques neutres. Genre en mode vraiment, le mec, il voit son intérêt, bon, il pèse systématiquement le pour et le contre en allant dans ses intérêts, etc. Et voilà, ça j'aime bien. Perso qui arrivent, qui ont de la gueule, qui voilà, mais pas forcément très doué en combat, voilà, parce que j'aime pas du tout être dans la perspective gros bill. Au contraire, moi j'aime bien quand il y a des pots de bananes dans le jeu et que mon personnage n'est pas avantagé sur tous les points. Ça j'aime beaucoup. Et bah dans tout ce qui va être l'appel de Cthulhu, etc. Bon, alors là, oui, c'est comme Geek Library. En fait, je m'adapte un peu à l'univers. Et par exemple dans une de mes dernières parties de l'appel de Cthulhu, j'avais joué un prêtre, mais genre vraiment, je l'avais fait le prêtre complètement allumé, qui au moment où c'est le pire moment où en fait il y a une mariée dont on enlève le voile et il y a une figure d'horreur, et moi je me mets sur une table et je commence à hurler c'est l'œuvre de Satan, vous allez tous mourir en enfer machin. J'aime bien jouer les personnages un peu haut en couleur. D'accord. Okay. Je pensais que tu ferais un timide qui parle pas. Oui, non, la petite poche d'air, je crois que t'as cerné un peu que. Cossette, t'as un peu cerné que. On a la copine qui nous dit que lui, il adore jouer des têtes brûlées au grand cœur. Grosse tendance à mourir, forcément. Hein. Après, les autres, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous avez un peu des archétypes comme ça. Hein. Yervana qui nous dit que courtisane assassin, qui nous demande si c'est un cliché. Une courtisane assassin. Ça dépend un archétype. Encore. À Capharnaüm, ça se rencontre. Alors oui et non. Alors c'était pas oui et non. Non non. C'est, pour une fois, c'est pas moi, mais par exemple, je prends l'exemple de Capharnaüm, qui est le meilleur JDR du monde. Je ne suis pas objectif, merci. qui en fait, effectivement, où il y a une famille en fait vraiment qui sont deux courtisanes vraiment de ça. Les Almimoun, les vierges de papier, voilà, qui sont généralement courtisanes, espionnes, slash éventuellement assassins, et qui sont toutes dans cette famille comme ça, en fait. C'est vrai que, tiens, par exemple, pour revenir à ça, Capharnaüm, t'as toutes les familles, et quand tu choisis une famille, t'es forcément donc un Mujahideen, un marchand, un espion, un assassin, un religieux, enfin, quand t'es dans cette famille, tu joues cette famille-là, quoi, t'as pas un autre nom. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très dur, quoi. C'est vrai que je viens de penser à ça. Mais pour revenir, ouais, la courtisane assassin, Capharnaüm, ça se trouve. Mais dans tout jeu, tu peux trouver un archétype ou un stéréotype propre à ce jeu. Oui. La courtisane assassin, par exemple, ce sera quelque chose que tu trouveras sans doute beaucoup dans des jeux d'inspiration steampunk ou renaissance ou Da Vinci Punk. Tu vois, aussi, ouais. Des jeux comme ça. Ça fait partie des archétypes de notre imaginaire de l'univers. C'est la Milady de Winter, en fait. C'est ça. Ouais, tout ce qui va de l'arme du cardinal et compagnie, ouais, on peut très facilement retrouver, quoi, et très facilement rejouer. Ouais. Après, on a Gabriel Hobbit qui nous dit le bourrin. Voilà, le tank DPS. c'est honnête. Voilà, mais... il en faut dans le groupe, il en faut dans les groupes, hein, en général. Bah, va jouer paladin sur WoW, hein. Les gens t'attendent les bras ouverts. c'est vrai que donc c'est... ensuite, Ziashker qui nous dit l'orque barbare. Bon gros oui. Con. Mais... c'est un vrai plaisir, des fois, de jouer un bon con. Un bon débile. J'ai une partie justement où je joue un demi-orque barbare, mais je m'éclate à jouer, hein, parce que justement, je sais que nos gars ils ont dit ouais, vous auriez dû faire preuve de plus de subtilité, et du coup, c'est devenu son truc qui fait subtilité, je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, c'est devenu son cri de guerre en fin de compte. C'est tellement un cliché que ça nous fait rire à chaque fois. Mais ouais, mais voilà, tu peux t'éclater également avec ça, hein. C'est pour ça, c'est vrai que oui. Bah, les clichés sont pas forcément péjoratifs. Voilà. Dans les jeux vidéo drôles, moi je pense au tout premier Fallout, celui en 2D isométrique. À l'intérieur, là aussi, si tu mets, je sais plus la partie de quelle soit, mais je crois que tu te mets 4 en intelligence, tu peux des grognements. Et c'est à mourir de rire, parce que du coup, oui, tu vas sauver, je crois, dans les premières quêtes, tu vas aller sauver la fille du maire du village et tout, tu la sauves et elle vient, elle te remercie à fond et tout. Et toi, tu peux juste répondre. Il y a une vieille histoire, c'est Fallout, quoi, c'est bien écrit. Derrière, en fait, c'est la seule réponse, c'est un abruti. Et pareil, quoi, c'est ultra cliché, et c'est. Que pensez-vous de la situation d'Israël-Palestine? Vous pouvez taper, je sais plus comment on peut le retrouver, mais c'est tapé Fallout 1, Less Intelligence ou un truc comme ça. Mais tu vois, ça, je suis désolé, c'était une réponse de George Bush, ce que tu lui viens de faire là. Après, on a donc Kouyu qui nous dit qu'il aime bien jouer des gamins zozotants, plein de malice, ou le vieux sage hirsute et sauvage. Le gamin zozotant, on toujours Gavroche, quoi. Valio qui dit le thème des marginaux revient souvent chez moi, les punks, les gens de la forêt, les débrouillards. Donc après, oui, hein, c'est vrai que c'est un archétype finalement qu'on peut transposer dans différents univers. Ah, les débrouillards, ça se trouve partout. Ça. Dès que t'es mécano, un petit peu conducteur par exemple, ou même un petit peu lié à la. Pas forcément à la. Oui, la pègre, on va dire. Dans le sens large du terme, oui, effectivement, oui, ça peut se retrouver assez facilement aussi, ouais. C'est ça, tout à fait. Cécile qui dit qu'elle aime beaucoup magicien, mafieux et magical girl. Magical girl, très bien. Bah ouais. Au nom de la lune, elle va nous punir, oui, c'est bien connu. C'est ça. Make-up. qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? J'aime bien tenter de créer des lanceurs de sorts physiques. Oui, c'est contre-intuitif, mais la boule de feu à bout portant, je peux vous assurer, c'est jouissif. Donc c'est ce que nous dit Alpangolin, pardon. Et avec Grenadine, ou sans Free Fire a priori avec, hein, parce que c'est pour ça justement que qui veut créer des lanceurs de sorts physiques. Hein, donc je sais pas finalement qu'est-ce qu'il entend par là, si c'est lui son personnage qui est assez bourrin. Mais en général, la boule de feu, il y a du Friendly Fire, sinon c'est pas marrant. Oui, complètement. Non, mais j'essaie juste d'imaginer le moine qui lance une boule de feu au cac, en fait. Enfin, c'est jeu. Et s'il vient de la campagne ? Et s'il vient de la campagne, ton moine, est-ce qu'il fait une foule de bœufs ? Ok. Voilà, c'était pour la blague. Grenadine, personnellement, c'est l'idée de prendre un archétype de l'univers et de le pousser jusqu'à son paroxysme, tellement loin que ça en devient quelque chose de singulier. Ceux qui écoutent des Genesis savent, ok. Vous avez son autopub. Mais, bien raison, hein. C'est quand même la chaîne où on peut retrouver ça, hein. Enfin la chaîne YouTube, on va pouvoir retrouver ça, donc ils ont bien raison. Enak qui nous dit « Moi j'adore jouer les persos un peu handicapés socialement et physiquement, super intelligents qui gèrent les situations par la manipulation des gens et des environnements et des faiblesses du MJ. » Ouh, des faiblesses du MJ carrément. Ça, c'est là, ça fait du méta-jeu. Là c'est carrément du méta, ouais. Ouais, ouais, ouais. mais si ça marche, tant mieux pour toi. Hein. Là par contre, après, ouais. Voilà. Ouais. Si tout le monde est d'accord, ouais. Après, il faut qu'on en discute avant, c'est ça. Moi, exactement. Qu'est-ce que t'appelles manipuler les faiblesses du MJ aussi ? Parce que ça, c'est une autre histoire. Hein. Ouais, c'est ça. Ça dépend. Parce que si tu lui tapes. Tu lui passes sa mère qui est retenue en otage chez lui. Tu lui tapes dans le bras qui s'est cassé la semaine dernière. Est-ce que tu reconnais la photo de ton chat ? Hein ? Tu vois, ça, c'est mon chat. Et ça, c'est mon magnum 9 mm. C'est ça. Ou alors. Je connais ton compte en banque. Non. Je connais ton RIB. Je vais aller voir les gens des assos dehors et je vais leur donner. Non, il y a plus sale encore comme pression psychologique. Je connais ton historique internet. Pas très brave. Oula. Ok, bah après, à la cocaïne qui dit bah ouais, ça peut être le don de chips désintéressé. Hein, Oui, aussi. Hein. Ça, c'est un grand classique, ça. Même on en rigole avec, on en rigolait à mon ancien club de JDR avec ça. Je fais un don de chips intéressé au MJ. Tu lui fais un don de chips au MJ, t'apportes des chocobons, quel est ton secret ? Alors moi, autour de ma table, j'adore faire. Ah bah tiens, si quelqu'un m'apporte un verre de Coca-Cola, bon bah. C'est pas vrai. Mais c'est pas grave. Tu peux faire respirer, tu vois, t'attends ton verre et après, paf. Il y a un cliché, enfin, cliché, je trouve qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé, c'est le cliché des... vis-à-vis de certains joueurs, en fait. On a beaucoup parlé des personnages, mais pas forcément des joueurs. Le type de joueur qu'on peut retrouver autour d'une table. Je disais, bah, on va avoir peut-être le mec qui va jouer que des... Je vais reprendre le terme qu'avait utilisé justement au coin du D20, hein, Gilles Nurgle, hein, le Dark le Sombre. Il va toujours faire un perso, c'est un Dark le Sombre. Hein, avec le visage à moitié masqué, machin truc et tout ça, toujours fourbe ou autre, ou celui qui va toujours jouer le bourrin. Parce que lui veut lancer les dés pour taper, ou l'elfe noir assassin, voilà. Hein. Est-ce que, bah, dans votre expérience ou autre, vous en avez déjà rencontré? Est-ce que vous avez des petites anecdotes peut-être par rapport à ça? En vrai, j'ai souvent vu ça dans des gens qui parlent de jeux de rôle en ligne. C'est vrai que c'est un grand oublié souvent quand on parle de jeux de rôle, mais le jeu de rôle sur forum. Il y en a beaucoup du coup qui rencontrent des archétypes comme ça. Ils en rencontrent beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des personnages sans les jouer, du coup ils en lisent des plein. Il y a la chaîne de Brune, je crois, sur YouTube, vous tapez Brune RPG, où elle parle de RPG en ligne, c'est vraiment très très bien, et elle parlait un peu de ces archétypes là et des Dark le Sombre. Alors sur les forums RP, c'est vrai que c'est Dark le Sombre. Ah bah. Même dans les GN, tu les vois arriver avec leur truc en cuir et le masque sur le visage, et t'es là, oh non, dans les GN, ouais, bon, ça, dans les GN, combien de fois tu croises des prêtres parce que les mecs ils ont pas l'argent pour faire une tenue, ils disent, bon, je vais prendre une tenue de prêtre, ça coûtera pas cher. Non, en vrai, avec peu de budget, tu vas en friperie, tu te débrouilles. Hein. Mais ouais. Non, moi je pensais au Dark le Sombre qui a le seum parce que ce qu'il a acheté comme capuche, elle retombe pas assez sur ses yeux. J'ai vraiment eu une discussion avec un mec qui a fait, putain, ma capuche elle tombe pas assez sur mes yeux. Et du coup, pour mais en mode Ezio de Assassin's Creed, mais complet. Mais en fait, ce que ça révèle souvent en vrai, ce genre de personnage, c'est un petit peu plus. C'est la promesse du jeu de rôle de je peux être qui je veux, et du coup j'ai envie d'être un petit peu plus que qui je suis dans la vie de tous les jours et tout. Et beaucoup se reposent vachement là-dessus. J'ai lu, ça en avait un petit peu parlé avec Nurgle dans la zone geek, dans le récit reconduit des 20. Abonnez-vous. Du coup, et ils en parlaient, c'est que souvent c'est les pires parties, souvent avec les joueurs où c'est vraiment pas intéressant, c'est quand c'est des joueurs qui voient autre chose dans le jeu de rôle, qui ne voient pas autre chose dans le jeu de rôle que un moyen de eux se mettre en scène. Comment dire? Ah, je trouve pas les mots. Catharsis peut-être. Ouais, une sorte de catharsis, mais en même temps on fait tous un peu ça. Même en tant que maître de jeu, on fait un peu ça, on essaie de voyager dans des univers imaginaires, de créer des personnages qui ne sont pas du tout nous pour explorer d'autres sensibilités, on le fait nous aussi. Mais sans un côté un peu narcissique, tu vois. Sans ce côté narcissique de en vrai, je vais défoncer tout le monde, vous allez voir. Moi, je vais me faire mon Dark Son, je vais faire mon paladin surpuissant, je vais écraser les autres. Alors. Et c'est un cliché qu'on retrouve assez souvent, surtout avec des jeunes joueurs et surtout adolescents, parce que bah, souvent il y a une grosse insécurité quand on est adolescent. Quoi. Bah ouais, je pense qu'il faut. Ramos, Ramos la parole. Vas-y, bah, je la prends. C'est justement, en fait, ça m'amène au cliché, j'allais dire des clichés, c'est le cliché du rôliste, qui est le mec blanc entre 15 et 25 ans, mal dans sa peau. Pour aller jusqu'au bout du cliché, disons-le clairement, puceau, qui est dans l'insécurité sociale la plus absolue et qui n'a que ce moyen pour s'exprimer et pour rencontrer des gens. Alors, comme plein de clichés, on ne peut pas dire qu'il n'est pas entièrement faux, dans le sens où effectivement, comme tu viens de dire, on rencontre quand même régulièrement des gens qui ont une forme de timidité, d'insécurité sociale, et qui se servent, et je vois de plus en plus avec succès, du JDR pour se sociabiliser en dehors de chez eux. Mais c'est un cliché qui n'est plus tellement vrai non plus, parce que pour être du coup dans une association qui est une association assez grosse à Montpellier, on voit de tout maintenant dans une association de jeux de rôle, que ça soit en termes de classe sociale, d'ethnie, de genre. C'est bien plus varié que j'allais dire. pour être dans le cliché là aussi, il y a plein de gens normaux qui font du JDR maintenant. C'est vrai. Après, ce que dit Jashker, hein, bah, on peut retrouver une similarité entre un joueur de jeu de rôle et un acteur, le plaisir de pouvoir interpréter un personnage, un être tout puissant, d'une intelligence rare, qui lui permet de réussir au-delà de ce qu'il pourrait IRL, hein, donc c'est un peu ce que tu disais finalement, Ramos, hein, par rapport à ça. Arféor, tu voulais également rebondir par rapport à ça, Je viens de penser à un truc de France 3 où ils sabotent complètement Donjons et Dragons, je sais plus comment ils avaient dit, mais enfin bref, c'est drôle. Mais ouais, je voulais rebondir sur deux choses. La première, c'est Jaden, est-ce que c'est bien ou mal en fait que parfois on ait envie de se représenter, parce que bon, c'est The Ashker qui l'a dit, c'est comme l'acteur qui a un plaisir d'incarner le personnage, certes, mais ça c'est vrai. Mais par contre, c'est vrai qu'après aussi, il y a des gens qui peuvent poser problème, qui justement en profitent de manière malsaine, quoi. Et ça peut poser problème. Et comme dit, il faut en discuter avant. Je crois que ça va être ça mon stéréotype, ça va être le fil rouge. Mais ah bah ouais, mais c'est ce que je dis, quoi. C'est dans tous les cas, oui, on a tous quand on fait du jeu de rôle, évidemment qu'on aime bien incarner des personnages, qu'on aime bien se mettre en scène, se mettre en avant, faire enfin même pas forcément faisant des envolées, mais en tout cas on aime bien être le héros de l'histoire, donc c'est normal, ça fait partie du jeu. Mais quand cette volonté là dépasse le fait de vouloir tous s'amuser autour de la table, quand on veut plus se mettre en avant, plus que vouloir que tout le monde passe un bon moment autour de la table, là ça pose un problème. Ouais, quand tu veux écraser la table finalement, hein, quand tu écrases la table pour il y a que toi en fait, hein, et puis t'écrases les autres joueurs, hein, c'est vrai que là ça devient problématique. Mais non, ça garde un peu, c'est vrai, du stéréotype, hein, au niveau des discussions. Alors pour revenir sur le stéréotype, à Montpellier là, j'ai un copain qui est dans l'association qui s'appelle Roland, et il fait des conférences donc à notre assos, le Manoir du Crime. Des conférences, de conseils et d'aide au MJ. Et justement, c'est quelque chose qui est très sensible. D'ailleurs, il plairait beaucoup à Arféor, puisque son motto, c'est la préparation de la table. C'est vraiment gérer la table. Et ce n'est pas seulement discuter de la table, c'est comment, entre guillemets, le MJ constitue sa table, notamment, plutôt que, dis donc, d'employer le terme d'archétype, par rapport à la typologie des joueurs. C'est-à-dire que lui, il s'est vraiment constitué une espèce de typologie de genre de joueurs, catégorie de joueurs. Le mini-maxeur, le demi-comédien, c'est-à-dire que lui, il est tout pour le roleplay, etc., etc. Et il fait sa petite cuisine, comme ça, d'archétypes de joueurs qui, d'après son expérience et quelques petits tests, fonctionnent bien ensemble. D'accord. Il y a Cécile qui nous pose une autre question. Vas-y, Arfer. Ouais, merci. Ouais, bah cool, super. Je veux bien que tu m'envoies le lien en privé, du coup, par rapport à ça. Je serais bien curieux de voir si jamais ça a été. On essaiera de diffuser ces conférences. Hein. Bah super, cool. On verra pour le mettre dans la description de la vidéo YouTube. Ah cool, c'est le moment de la pub. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Wink. Ok, ça marche. Donc sur les différents types de joueurs, le gros bill, les trucs comme ça. J'ai un peu essayé de cerner les grosses catégories qui existaient, et justement ça parle de comment on les gère. La première partie, les décrire, et ensuite la deuxième partie qui sort bientôt, je l'espère, avec le confinement, sur comment les gérer. Ok, bah on ira voir ça du coup, hein, allez voir, hein, sur Arcade Productions, hein, sur YouTube. Saisie du coup qui nous demandait quel stéréotype vous ne souhaitez peut-être pas ou plus avoir dans vos parties. Vous avez vraiment un stéréotype, viscéralement, vous voulez plus en voir sur vos parties. Ouais. Bah vas-y Laden, vu qu'apparemment tu veux... Ouais, j'en ai un, moi c'est les Han Solo, moi je commence à en avoir marre, ouais, façon, moi j'ai besoin de personne, façon, voilà, je suis... les gentils vont rien. Les gentils vont rien, voilà, en mode, j'en ai rien à foutre de tout le monde, ils sont insupportables à intégrer un groupe, ils sont toujours en mode, non j'ai pas besoin de vous et tout, putain, on est en train de faire du jeu de rôle là, enfin, on fait un groupe tous ensemble, j'ai autre chose à foutre que de trouver des excuses pour que ton personnage s'inclue dans l'aventure, quoi. Ouais, voilà. Je comprends. On en a parlé avant, en plus. C'est vrai. Ransard, voilà, moi, c'est ce genre de cliché qui m'insupporte. t'as un stéréotype que t'aimes plus trop voir sur tes parties Alors moi j'ai beaucoup de mal avec les espèces de bourrins sans foi ni loi qui vont sortir leurs flingues à toute berzingue en fait, parfois à l'encontre des membres du groupe pour imposer leur décision. Donc voilà, il y a ce truc là et ça rejoint un peu le cliché du joueur tyran un peu, voilà. D'accord, ouais. Samuel, toi, t'as un stéréotype comme ça ? Ouais, le mystérieux taciturne, voilà, qui suit le groupe, qui reste silencieux. on l'a tous eu, hein. Bon, ouais. après il faut pas afficher peut-être la timidité de la joueuse ou du joueur qui est derrière, mais c'est parfois aussi du confort ou un petit peu de facilité, quoi. Oui, ouais, ouais, ça fait facilité, je dirais, de création de personnages. Ramos ? Alors moi, c'est un archétype que j'appelle le juriste. C'est celui qui a toujours le livre de base dans la main et qui va te chercher la petite règle à la con pour t'emmerder. Et te dire, ah oui, mais dans le chapitre 2, dans la page 87, il est dit qu'un personnage, il a fait... Et vous connaissez depuis la dernière fois mon goût pour les règles. Donc ça me saoule. Attends, okay, il a chuté à 2m10. Il a remarqué qu'à partir de 2m, on prend un point de dégâts. je suis totalement d'accord avec ça. Il y a ça, et pour changer un petit peu, parce qu'il ne faut pas tout le temps dire la même chose, moi, ce serait plus le concept du joueur qui vient pour briser la partie. C'est-à-dire que j'en ai trop bouffé lors des conventions. Mais vraiment, j'en ai bouffé à pratiquement chaque festival du jeu. Il ne se passait pas une table où j'avais un briseur de partie. Et je peux t'assurer qu'il y a des moments où je prenais même un plaisir sadique à les jouer quand je les avais à la table de Cthulhu. Et Arféor, du coup ? Oh là là, il y en a tellement qui me vénèrent. Mais je crois que celui qui me vénère... Mais j'avoue que celui avec le livre de règles, c'est insupportable. J'avoue. Parce qu'en plus, c'est tellement, ça brise tellement l'immersion pour rien du tout, quoi. C'est horrible, quoi. Mais ouais, moi, je crois que t'as l'impression d'avoir un avocat de série américaine, tu sais, Objection. Ouais. Ah, tout ouf. Mais alors, j'hésite entre deux, donc je vais peut-être les mettre à égalité. C'est celui qui va sans cesse dire. Et c'est quoi les statistiques de tel truc? Et c'est quoi les statistiques de ça? Et si je prends ça, est-ce que c'est mieux que de prendre ça? Machin, c'est le gros Bill qui va toujours calculer. Et ça m'énerve parce que finalement ça brise. Enfin, j'ai eu un gros bill sur une table de Cthulhu où j'étais joueur, donc j'étais pas MJ, mais le MJ l'a bien géré, c'est cool. Mais qui brisait cette ambiance un peu glauque comme ça, et ça m'avait vraiment saoulé. Et surtout qu'en plus c'est pas trop le jeu où tu parles de statistiques ou je sais pas quoi. T'es plutôt là en mode ok, on a rencontré un truc, on est mal. Et ensuite, l'autre truc aussi, bah, c'est le Dark Sasuke, celui qui est là en mode oh, je suis trop dark, et qui finalement va se mettre en scène et faire oh, moi, comme je suis trop dark, je vais draguer la serveuse. Oh, moi, comme je suis trop dark, je peux partir devant 100 personnes. Le Dark Emo. Voilà. Ouais, voilà. Celui qui a la mèche, là, comme ça, devant l'œil droit. Je vous embête un petit peu, c'est Ghosted, là, qui squatte un petit peu. Au fait, on n'a pas... Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Tu t'es pas posé la question à toi-même, Olshad. Ah, mais oui, j'allais venir. Non, mais est-ce que... Je sais pas si t'avais répondu sur le ton meilleur personnage, enfin, le meilleur... l'archétype que j'aime faire. Alors moi, l'archétype que j'aime faire, finalement, ça va être le bon copain, en fait. C'est-à-dire que souvent, je vais me mettre au service du groupe, et quitte à même avoir un perso qui peut se sacrifier pour le groupe ou autre, je suis parfaitement capable de faire ça, et j'aime bien même interpréter ce genre de personnage. Et les clichés que je me suis pu voir, c'était un peu le dark, le sombre. J'avoue que ça m'a un peu... J'en ai un peu un peu trop mangé des Dark le Sombre, et je sais que le dernier en date, je l'ai un petit peu... Tu l'as bouffé. C'est en RP. non, mais j'ai un peu cassé en RP, où il est arrivé, en fin de compte, il voyait des prêtres en train de discuter, et puis il va vers eux, et puis il leur dit « Oui, machin truc, et tout ça », et puis le prêtre, il a dit « Mais sinon, vous voudriez pas nous parler en vous découvrant le visage ?» Ah, yes. Boom. Voilà. Headshot. Bien joué, bien joué. Et en général, c'est comme ça que j'essaye de gérer les stéréotypes. Et on pourra peut-être terminer là-dessus, comment on gère des joueurs stéréotypes ou des personnages stéréotypes. Hein. C'est comme ça que j'aime bien les gérer, finalement, c'est dans le RP. C'est-à-dire via un PNJ. J'avais eu aussi une époque, c'était, je dirais, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, où j'avais des joueurs qui prenaient systématiquement, qui faisaient des jeux de mots. Mélusine en faillite, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Mais dès qu'ils rencontraient un PNJ, le PNJ se foutait de sa gueule. Parce que, voilà. C'est un nom que tu utilises pour paranoïa, quoi, pas pour autre chose. Et du coup, dans un jeu de rôle, dans le Moyen-Âge, c'est quoi? C'est genre le PNJ, il fait mais c'est quoi une usine? Mais enfin, voilà, c'était un petit peu comme ça que je gérais. Alors, je sais pas si vous avez des petites techniques pour gérer un peu ces joueurs ou personnages un peu stéréotypés. Est-ce que ça peut être avant? Parce que vous en discutez avant la partie, peut-être, au moment de la création. Voilà, je sais pas, est-ce que vous avez des tips par rapport à ça? Moi, c'est plus pour des personnages justement qui vont s'enfermer dans un stéréotype sans trop développer tout ce qu'il peut y avoir autour. Moi, j'aime bien, justement, j'en parle un petit peu dans la dernière vidéo que j'ai sortie. Bonjour, 5 conseils maîtres de jeu, vous pouvez la retrouver. Oh sur là là tout le monde l'a fait, pour faire de la pub pour ces vidéos. Tout le monde l'a fait. Non, stop, je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas. Et j'en parle un petit peu, ce que j'aime bien faire souvent, c'est de leur faire des scénarios personnalisés, c'est-à-dire à un MJ, un joueur, ou bien de faire un scénario avec tout le groupe qui est centré autour de lui. Pour en fait, par exemple, pour les joueurs un peu timides, par exemple, ça c'est pas mal pour des joueurs un petit peu en retrait. Et ceux qui n'arrivent pas à sortir d'un cliché de personnage, essayer de les forcer un petit peu à agir en leur mettant des ultimatums, des ultimata d'ailleurs, devant eux pour que vraiment ils se sentent investis et ils réfléchissent plus à leur personnage. Et ça permet de faire vraiment des personnages assez complexes. Et je pense que c'est une des tactiques de maître de jeu que j'aime bien utiliser moi, avec des joueurs un peu enfermés là-dedans. D'accord, ok. Il y en a d'autres qui ont des petits tips par rapport à ça? En général, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Je veux dire, on discute énormément avant de la partie et du coup, on essaie d'établir les choses pour que ça n'arrive pas. Bon, là, dans ma campagne de Donjons et Dragons, Chaos, si tu m'écoutes, tu ne m'écoutes sûrement pas, mais il a nommé son cheval Interceptor. Et c'est sorti du chapeau comme ça. Pourquoi tu fais ça, quoi? Bref, non, ça arrive très rarement, et quand ça arrive, pire des cas, je suis relativement détendu là-dessus à présent, et je suis peu confronté à ça, donc j'ai pas vraiment de soucis avec ça, quoi. Ok, ça marche. Pour les autres, ça peut préparer. Vas-y, fais or. Alors, c'est un mélange de. On en discute avant et pendant les pauses mais aussi de RP. C'est vrai que t'as un personnage qui va avoir tendance à vouloir systématiquement briller, par exemple, et qui va jouer que sur cet archétype du charismatique. Oupsi, c'est un peu moi des fois. N'hésitez pas à me recadrer quand je suis à vos tables. Mais en gros, ouais, pareil, je vais quand même essayer de faire en sorte que, bon, que ces élans un peu trop forts puissent paraître ridicules aux yeux d'un certain auditoire pour qu'ils se remettent en question, etc. J'avoue que je suis plutôt fan de la technique au chat. C'est vraiment cool de recadrer en jeu. Et j'ai vu une question dans le chat qui a l'air super intéressante. C'est Bibionique qui dit, du coup, les maîtres du jeu sont là pour former les joueurs? Point d'interrogation. Alors, ouais, je crois que Ramos voulait répondre et puis on y répond juste après. Non, bah écoute, en plus, ça complète un peu, j'allais dire. Mmh. On s'approche, je vais faire la transition. Ouais, vas-y. Parfait. Globalement, c'est un peu comme Samuel pour moi, ça me pose pas de problème en fait. Le tout, c'est de bien faire le distinguo. Est-ce que c'est le joueur ou le perso? C'est toujours un distinguo à faire. Ensuite, est-ce que ça rend quelque chose qui est, on va dire, destructif pour la table, c'est-à-dire ça empêche les autres de jouer ou ça empêche pas les autres de jouer? Si ça empêche pas les autres de jouer, si la personne elle s'amuse à toujours faire le même perso, c'est pas mon problème en fait. Tant qu'elle s'ennuie pas et qu'elle s'amuse et que ça empêche pas les autres de s'amuser, j'ai absolument rien à faire moi de spécial. Hein. Je dois intervenir si justement, comme Arfeor a dit, c'est un perso qui commence à prendre trop de place par rapport aux autres et ainsi de suite. Et ça se fait en RP. Voilà, perso qui prend trop de place par rapport aux autres, les autorités ennemies, c'est à elles qu'elles vont s'adresser en premier. C'est toujours comme ça. Hein. Si tu brilles plus, c'est toi qu'on voit en premier. C'est normal. Ensuite. Pour du coup aller vers l'autre, est-ce que les... Ça dépend, en fait. Ça dépend de... Si moi je suis en mon assos et que je suis démonstrateur et que j'arrive avec plein de jeunes joueurs, jeunes dans le sens qui ont peu d'expérience, Oui, un petit peu. J'essaie de... C'est-à-dire, je forme les gens en essayant de leur montrer un peu les possibles. C'est-à-dire, justement, ils sont souvent pleins de clichés, d'a priori, sur ce que ça doit être et comment ça doit se passer une partie de JDR. Ben, je leur montre des trucs qui ne se font pas dans leur idée, en fait. C'est juste pour former les gens, c'est plus leur ouvrir le champ des possibles, leur dire, bah, tu vois, en fait, tu peux faire ça aussi. Parce que dans ta tête, justement, comme tu as des clichés, bah, tu es limité dans ce que tu t'imagines que tu peux faire. Parce que souvent, c'est quelque chose que les jeunes joueurs, même les grands débutants, te disent, c'est « Ah bon, on a le droit de faire ça ?» Bah ouais, écoute, t'as le droit de faire ce que tu veux, c'est juste tu verras les conséquences. Oui, c'est ça. Après, il faut en assumer les conséquences. D'autres veulent rebondir, là, justement, par rapport au fait qu'un maître du jeu doit-il former, finalement, ses joueurs, hein. J'utiliserais pas le terme « former », mais plutôt « guider ». Mais c'est juste pour pinailler, quoi. J'avoue. Oui, c'est ça, montrer l'exemple. C'est ça. C'est-à-dire que s'ils arrivent dans une auberge et puis que tu commences à parler de l'aubergiste à la troisième personne, ou si tu commences à l'interpréter, bah déjà, si tu l'interprètes toi-même, bah, tes joueurs, finalement, vont interpréter mieux leur personnage en utilisant le jeu plutôt que le heal. Après, ça peut marcher à l'inverse aussi. Par exemple, oui. Si tu es un MJ débutant avec des, on va dire, des vieux joueurs, des fois c'est peut-être aussi les joueurs qui vont pouvoir un peu driver le MJ pour lui donner des astuces ou des explications. Donc, c'est pas... Ouais, tout à fait. Et lui montrer des bons exemples de bons comportements sur une table. Mmh. Tout à fait. Cézile à nouveau qui nous demandait si on avait des stéréotypes récurrents de PNJ. Je trouve la question assez intéressante. Mmh. Ah, Ransard, vas-y, t'as hoché de la tête. Voilà, complètement, mais là, ça rejoint un peu ce qui a déjà été dit tout à l'heure. Pour ma part, là, c'est en tant que PNJ, j'aime beaucoup les barres d'informateurs. Voilà. D'accord, ok. Les autres, vous avez des petits PNJ comme ça Alors, ça a été le cas, fut un temps. Mais en fait, depuis, j'ai changé de truc. Ça, d'ailleurs, j'ai paumé les feuilles, il faudrait que je les refasse un jour. Mais en fait, j'avais fait un générateur aléatoire de PNJ pour pas voir tout le temps les mêmes métiers qui reviennent. Genre à Capharnaüm, parce que je reviens toujours sur Capharnaüm. J'avais pris à un moment donné marchand, tanneur, tavernier, épicier. Tu vois, j'avais vraiment essayé de varier un peu les métiers pour pas avoir tout le temps... vous avez le tavernier du coin qui vous donne telle info, tu vois, par exemple. On est tous le PNJ de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Parce que Jaden, toi t'en as un le PNJ un petit peu récurrent comme ça. T'as coupé ton micro, je crois. Par contre, on t'entend pas. Pardon, désolé. Il y a pas de souci. Du coup, on m'avait dit de. T'étais en train de m'insulter tranquillement. Coup, exactement. Vous êtes tous des PNJ de ma vie. Désolé. Et du coup, oui, moi j'ai mon petit. Niveau jeu de rôle, ouais, j'ai notamment avec une table avec laquelle j'ai joué un an. D'ailleurs, il y a un des joueurs qui est dans le chat. Et on avait un petit rituel qui était très sympa, qui du coup est devenu un cliché, mais immense, et en plus c'est un cliché à la base. En fait, on commençait chaque scénario de Dark Heresy. On joue beaucoup à Dark Heresy. On commençait chaque scénario avec des voyous qui arrivent et qui veulent foutre des tatanes au groupe de joueurs. C'est juste des punks qui arrivent avec des battes et ouais, qu'est-ce que vous foutez là et tout. Et à chaque début de scénario, ils arrivaient sur la planète et à chaque fois, il y avait le même groupe de punks qui arrivaient. C'était pas les mêmes, mais c'était toujours le même schéma. Et c'était du coup, c'est très cliché dans le jeu de rôle, il y a tout le temps ça. Dans tous les scénarios, c'est ça, la Team Rocket, quoi, le petit truc gimmick. En fait, dans le scénario, c'est un tour de chauffe. C'est pour se remettre dans le scénario, se revoir les règles avec un petit combat facile. Même d'ailleurs, il se faisait plus défoncer par les voyous que par le boss de fin. Donc ça, c'est autre chose. mais c'était, ça participe un peu à ce qu'on disait, hein, de petits rituels de jeu de rôle. Tiens, on commence un nouveau scénar. Allez, je vous mets un petit groupe de voyous, comme ça on rigole tous autour de la table, parce que putain, c'est pas possible, ils sont là à chaque fois. Enfin voilà, ça fait partie des petits clichés en tant que maître de jeu, et surtout incarner, c'est trop rigolo, quoi. Faire une petite voix comme ça, alors les mecs, vous êtes les pieds tendres et tout. c'est vraiment kiffant en tant que maître de jeu, je trouve. Samuel, toi, est-ce que t'as un type de PNJ qui revient de manière récurrente Je pense qu'il y a, oui, il doit y en avoir inconsciemment. Mais j'ai pas vraiment de c'est pas une volonté de ta part. Non. Après, j'ai toujours tendance à jouer les gangsters et les malfrats un peu toujours de la même manière, quoi, avec toujours le même accent. Donc voilà, ouais, il y a des choses comme ça qui sont assez récurrentes, quoi. Je veux dire, la petite racaille qui vient brouiller des... Ben, un peu comme Jaden, la petite racaille qui vient brouiller des PNJ, voilà, elle ressemble... Elle est toujours... assez semblable, mais non, après le tavernier, enfin les choses assez classiques quoi, sur lesquelles les valeurs sûres dans lesquelles on tape toujours, le riche marchand un peu ventripotent avec une belle moustache comme Ramos ce soir, voilà, les choses comme ça quoi. De côté Ramos, est-ce que t'as un PNJ un peu récurrent Déjà, en premier lieu, c'est quand même un trope dont il faut discuter avant de la partie. Et surtout, j'essaie, en bon improvisateur, j'essaie de varier le plus possible mes PNJ. Mais après, j'ai mes PNJ, c'est mes bonbons, c'est ce que je me fais un petit plaisir. C'est les petites frappes bien veules et le majordome bien badass. Le bon Alfred des familles, le vrai majordome. Et la petite frappe, mais la vraie petite frappe toute nulle, celle qui vraiment, elle est naze. Et voilà, il faut que c'est bien naze. Ok. Et toi, Arféor, du coup comme Ramos, hein, c'est plutôt. J'essaye de varier le plus possible les PNJ. Mais j'avoue que ouais, on retombe quand même systématiquement quand même dans certaines formes de clichés. Mais c'est plus, disons que j'aime bien. Il y a un super article que j'avais lu sur le site PTG PTB qui m'avait été envoyé par un copain qui relit souvent mes scripts. Bisous à lui d'ailleurs, si jamais il est sur le live par hasard. Et en gros, en fait, c'est sur la règle des trois indices. Et j'avoue que dans cette règle des trois indices, de temps à autre, il peut y avoir un PNJ qui peut dire, genre, ça peut parfois être un mec un peu vénère, un riverain un peu vénère, qui aime pas trop qu'on fouille en bas de chez lui, et qui fait, dégagez, allez ailleurs, machin, si jamais ils sont sur une fausse piste. Je fais souvent des personnages comme ça, selon la situation, qui auraient tendance à orienter les joueurs si jamais ils partent vraiment sur une trop grosse fausse piste. Voilà, des personnages qui vont en fonction du lieu, dire, mais dégagez de là et allez ailleurs. Si jamais vraiment ils rament, je les laisse un peu ramer quand même avant, et si vraiment ils rament, c'est un de mes premiers indices, ça peut être un personnage qui, comme ça, un peu stéréotype, qui les vire. Alors, il y a Irvana qui dit qu'il y a un DMJ qu'elle connaît. Tous ces marchands ont un accent italien, et les infos viennent très souvent de prostituer. Voilà. Après, à la cocaïne qui dit, c'est un PNJ récurrent que j'ai la femme d'âge moyen, vétéran, qui l'a décu en commandement en général. Voilà. Alors moi, de mon côté, un PNJ assez récurrent, et bon, à force, hein, dans une campagne en particulier, c'est même mes joueurs qui le réclament, hein, c'est l'ivrogne de taverne. Hein, mais qui a des infos, hein, et c'est le vieux Gilles, hein, et le vieux Gilles est un petit peu comme ça, hein, et donc c'est un PNJ finalement, même les joueurs le réclament, donc c'est devenu un petit peu, comme disait Ramos, le petit bonbon, tu vois, le petit truc assez sympa qu'on ressort de manière un petit peu récurrente sur... C'est assez cool. Après, oui, ce genre de PNJ, le problème, c'est que ça devient une casserole, quoi. Si sous le jour, tu vas être obligé de le tuer, quoi. Je me rappelle d'un gobelin qui suivait le groupe au bout d'un moment. Alors, c'était sur Donjons & Dragons et je joue avec tous les jeux visibles en général. Ouais. Et du coup, il y avait une espèce de gobelin qui suivait le groupe, etc. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus de ce gobelin. Donc, j'avais essayé de le faire tuer par une créature, et sauf qu'il n'était pas mort, il s'était juste fait becter la jambe. Donc, le gobelin a fini dans un cimetière avec une jambe en bois à s'occuper du cimetière du village. Enfin bon, voilà, et toute une histoire. Après, c'est cool les personnages bonbons comme ça, mais après, ça peut te suivre aussi pendant des plans, mais tu ne sais plus comment t'en débarrasser, quoi. Alors, par contre, c'est vrai que moi, je fais toujours en sorte que les PNJ ne suivent pas les joueurs. Donc ils vont les retrouver à des endroits, je dirais, un peu clés ou autres, ou dans la taverne, ce genre de choses. Mais voilà, parce que j'ai pas envie de m'encombrer justement avec un PNJ qui va suivre les joueurs. Ça dépend du type de jeu que tu mènes. Par exemple, si tu fais du old school Renaissance, où le taux de mortalité est très très très élevé, les PJ ils ont plutôt intérêt à avoir une flopée de suivants avec eux. Et donc là, t'as pas trop le choix. Là. Oui, c'est sûr. Et du coup, il y avait une dernière question, je pense qu'il pourra peut-être un petit peu conclure le débat de ce soir, c'est les clichés des MJ. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que voilà, on en a tous connu. Moi personnellement, je sais que par mon expérience, le pire cliché que j'ai eu du MJ, enfin c'est surtout sa manière en fin de compte, c'est qu'il avait son joueur qui était avec nous, son personnage qui était avec nous, et c'était le personnage Roxor. C'était lui qui faisait tout. Le personnage du MJ PJ. Voilà, ne faites jamais ça. Hein. Ne faites jamais ça. Faites une narration partagée, bordel. Allons vers le narratif. Est-ce que vous avez des petits clichés de MJ qui vous reviennent comme ça Ah bah le MJ dirigiste, hein, un grand classique. Le MJ qui te dit je veux faire ça. Non, tu peux pas. Pardon. C'est ça, c'est... Ouais, est-ce que ça n'est pas plus des mauvais MJ que des clichés de MJ, ça? Ah, ça reste un cliché, malheureusement, parce que ça existe. Hein, et c'est vrai que c'est souvent l'apanage de MJ débutants. Je pense que, malheureusement, on est peut-être tous passés par là aussi à un moment donné. Peut-être, hein. Voilà, mais c'est vrai que ça nous est arrivé quand même à un moment donné de... Parfois, peut-être, certains, par la surprise, quand ils débutent, disent non. Et puis certains, en fait, veulent absolument que le scénar ne déraille pas aussi. Pas forcément débutant, tu vois, il y a des gens, ils veulent pas que le scénar déraille, ils en ont marre d'avoir des joueurs où le scénar déraille, j'ai déjà vu ça, des joueurs qui étaient un peu, on va dire, assez confirmés en convention, je pense surtout, je prends vraiment l'exemple du Siege, où j'ai vu du MJ, quand je l'ai noté, le mec il disait non, tu sors pas du scénar, quoi. C'était chiant. C'est le problème quand t'as un scénar, quoi. C'est ça. Ah, ça c'est un autre débat, ça. Ah, ça c'est un autre débat. Tu peux toujours retomber sur tes pattes si t'es un bon MJ, mais ça c'est une autre histoire. Voilà, après c'est vrai que quand t'es MJ débutant et puis que tu tombes sur des joueurs qui vont systématiquement vouloir sortir du scénario parce qu'ils ont peut-être vu la petite rail, tu vois, que t'avais mis parce que t'es MJ débutant, et puis que ben voilà, ça aussi c'est quelque chose qui doit paraître finalement plus ou moins dans le contrat social, à mon avis. Quand t'es MJ débutant, quand t'es MJ débutant, c'est tu proposes une partie, si tes joueurs veulent pas l'accepter, change de joueur. Voilà. Après, moi, ce que j'aime bien, cliché de MJ, après, j'ai pas eu énorme. Je suis plutôt maître de jeu que joueur, mais et la plupart des MJ que j'ai eu étaient des bons MJ, je pense, parce que genre, j'ai pas vraiment trop d'exemples de mauvais MJ que j'ai pu avoir, de très très mauvais en tout cas. Adrien. Et. Attends, c'est quoi, j'ai perdu. Oui, voilà. Et du coup, il y a quand même un petit de MJ que j'affectionne bien, qui est extrêmement cliché, mais que j'affectionne bien, c'est les MJ un peu baroques. Je sais pas pourquoi. C'est les MJ qui font bienvenue dans le monde. Voilà, qui parlent un petit peu comme ça, qui vont parler avec une grande voix, qui vont regarder les personnages en l'impression qu'ils sont dans un opéra, quoi. En fait, ça transpire vraiment de passion. C'est très cliché, hein. C'est vraiment, je crois, une vidéo YouTube qui parodie ça et tout. Mais je sais pas pourquoi. Moi, j'arrive à très bien jouer avec ce genre de MJ-là, que j'ai pu avoir, surtout en convention. J'arrive très bien à jouer avec eux parce qu'en fait, c'est génial parce que t'en es. On est totalement dans un contrat de surenchère et tout, et qui est vraiment très très sympa. Ouais, le surjeu finalement. De quoi ? J'ai le surjeu finalement, hein, voilà. Oui, c'est... finalement. Ouais, sinon... Mais voilà, mais ça passe, hein, je veux dire, ça, c'est pas forcément désagréable. Vas-y, Arthur, je t'ai coupé. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Moi je suis bien d'accord avec Jaden, c'était le cliché dont j'avais envie de parler. C'est MJ grandiloquent. Je trouve ça génial et je crois que d'ailleurs je m'inscris un peu dans ce cliché. Mais quand j'ai eu des MJ un peu grandiloquents face à moi, j'ai toujours trouvé ça mais tellement cool. Mais un fait intéressant et drôle, c'est que quand vous regardez des vidéos YouTube ou des trucs comme ça, je pense à une vidéo du JDG. À un moment, on voit en scène une table de jeu de rôle, ben c'est toujours ça. C'est toujours, tu sais, on le met toujours en scène le MJ comme ça en étant grandiloquent. Bienvenue dans le monde de Borasma. Vos portes s'ouvrent devant nous. Enfin bref, et ça, je trouve ça ouf parce que t'es le surjeu dans le jeu de rôle quand t'es MJ et que t'essaies de camper un univers. Je trouve le surjeu pour les joueurs, ça se discute un peu, mais bon après, je pense pas qu'il faille blâmer quelqu'un pour son jeu en tant que joueur parce qu'on n'a pas tous. On n'est pas acteur. Hein. Voilà, on n'est pas acteur, donc voilà, il faut être à mon avis très très sympa. Humble et surtout encourager les joueurs qui font du mieux qu'ils peuvent de ce côté-là. Mais en tout cas, au niveau du MJ, le surjeu, je trouve juste goldé, quoi. Je trouve trop bien. Après, ça dépend vraiment de l'univers aussi, quand même. par exemple, dans Cthulhu, un MJ grandiloquent, ça dépend comment il l'est, quoi. Bah oui, parce que quelque part, c'est assez Lovecraftien le grandiloquent. Hein. Quand tu lis Lovecraft, les descriptions elles sont grandiloquentes. Hein. Tu ouais, lis des couches d'objectifs non euclidiens, indicibles, innommables, imbuvables et sans sucre ajouté. Alors, oui et non. Mais dès qu'il commence à vraiment décrire, c'est absolument horrible. Je sais pas, j'avais lu une nouvelle de Lovecraft, je sais plus laquelle, où il disait oui, un démon indicible absolument horrible, qui était une sorte de croisement entre un phoque et un serpent. Hein? What the fuck? c'est génial, je crois que c'est la cité son nom, je crois que j'avais lu comme ça. Et c'est un mourir de rire, parce que du coup, je mélange un reptile et un phoque. Ah, ça doit mieux sonner en anglais, peut-être. Je sais pas. C'est peut-être mieux traduit aussi, parce que certaines traductions de Lovecraft sont pas terribles aussi. C'est bien c'est reconnu. Mais du coup, c'est rigolo, ouais. Ce grandiloquent Lovecraft qui des fois s'effondre en fait juste en un mot. Tu vois. J'avais vu une critique de Lovecraft qui disait d'époque, hein, qui disait une des premières critiques françaises, qui disait c'est très très bien Lovecraft, mais on dirait quand même quelqu'un qui a un peu peur d'un dictionnaire. Tellement il accumule des mots. Et du coup, et bah, il n'y a pas peur que les dictionnaires. Ouais, mais après, ça c'est notre histoire, surtout qu'en France, les critiques français n'aiment pas l'imaginaire aussi, hein, malheureusement. Contre des gars. Du coup, Samuel, on t'a pas entendu sur les clichés de MJ Non, j'ai pas été tant joueur que ça. Moi je suis un peu ça se voit pas ce soir, mais je suis un peu un énervé du rythme, et c'est vrai que j'ai du mal avec les personnes qui prennent énormément leur temps. C'est un truc qui m'agace. Moi j'aime bien quand ça bouge, quand il se passe des choses, etc. Et j'avoue que la personne qui vient s'asseoir à table et qui entre deux chips te raconte sa journée et qui après repart sur la partie, ça me voilà. Aïe, on est d'accord. Non, voilà, après il y a des bon, j'ai pas croisé tant que ça, mais ah. Ok. Du coup, ils sont là pour jouer. Pour moi, c'est sérieux le jeu de rôle. Et voilà, si la personne ne fait pas ça sérieusement, et là juste pour voilà. Non, ça passe pas. Et Ransard, du coup. Ah bah, moi, ça rejoint un peu ce que tu as dit. C'est le MJ qui s'incarne lui-même avec son personnage qui accompagne les joueurs. Et en fait, c'est suite à ce genre d'expérience que j'ai commencé à devenir MJ. Voilà. D'accord. Ah bah. Faire perso. C'est trop bien. Bah du coup tant mieux en soi. Voilà, hein, on peut tirer du bon finalement de ce genre de choses, hein. Alors il y a le Grammy Lobbit qui nous dit: mon premier JDR est un vrai univers pas fan-made. Je suis tombé sur un MJ que je connaissais pas personnellement et qui était justement l'inverse, à savoir très dur avec les débutants, qui n'aidait pas, bref, qui n'aimait pas inclure les newbies. Pire expérience. Ouais, bah il y en a des fois qui sont un peu élitistes comme ça, hein, dans le jeu de rôle, malheureusement. C'est dans tous les domaines, hein. Oui. N'importe quelle activité, tu trouveras des gens qui supportent pas d'être avec un débutant parce qu'ils peuvent pas faire comme ils veulent d'habitude. Dans tous les sports, tu vois ça, dans les clubs de théâtre. N'importe pour quelle ceux... activité, tu vois ça. C'est pour vrai. Ceux qui connaissent Akiel Fire, hein, avec qui est très régulièrement joueuse sur mes tables, hein, finalement, je suis pas le premier MJ qu'elle a eu, mais je suis le premier MJ qui l'a fait jouer. Parce que les autres, en fait, quand ils disent: ah ben non, t'es débutante, ben non, on veut pas de toi à notre table. Et voilà, et ça, c'est quand même dommage. Il y a une personne comme ça. Il y a une vidéo à voir, c'est celle de, encore une fois, Julius Enorgueil de la Zone Geek, celle sur les masterings particuliers, je crois qu'il l'a appelé comme ça. Oui, tout à fait. Oui. À mourir de rire, elle est vraiment géniale. Et il parle justement d'un maître de jeu. Je la spoil pas, la vidéo, faut absolument la voir. Mais absolument génial, où il parle justement d'un maître de jeu qui n'avait pas de joueur et dont on a fait promettre à Norgul, surtout ne fais pas de jeu avec lui, et il a heureusement il l'a fait, et la suite est délectable. On conseille la chaîne dans l'intégralité, mais c'est vrai que cette vidéo là est particulièrement drôle. C'est ça, en termes de très mauvais MJ et l'archétype poussé à fond, vraiment full nanar, et surtout le retournement à la fin, enfin c'est génial. Vraiment, allez voir cette vidéo, elle est vraiment très bien. Alors Douli qui nous dit: perso, j'aime bien les MJ bienveillants, qui ne cherchent pas à te tuer à chaque partie, ou te faire des crasses sans que tu comprennes l'intérêt. Bah après, oui, c'est vrai qu'on avait déjà parlé un petit peu de ça, hein, mais ça va être le sujet d'un autre débat, ça va être la mort des personnages. Et je pense qu'on y reviendra lors d'un autre débat, hein, donc il faudra être là, voilà. Un peu d'autopromo ne fait pas de mal. Hein. Après, j'ai tendance. Ah bah écoute. Hein. Après, j'ai tendance à bourrer un peu fort parce que j'ai l'habitude de personnes fortes en tactique. D'accord, j'ai peut-être pas le contexte. C'est un titre. Voilà, c'est ça. Alors, prenez des notes si vous êtes amené à jouer avec Samuel. D'accord, donc ça, c'est Gossette qui dit ça. Ah bon? Pourquoi? Bah c'est ouais, gratuit. Je pense qu'il va vous expliquerait après. Ouais, après sans règle. Ou je sais pas si là. Tu veux, si tu veux nous rejoindre en vocal pour plus t'expliquer, peut-être. Il y a les MJ Tolstoy aussi, ceux qui te font 40 000 personnages où finalement tu sais plus qui est qui. Hein. C'est encore pire avec des. Genre L5K ou des trucs comme ça où ils s'appellent tous Yoritomo ou des trucs comme ça. Et ouais, c'est l'enfer. C'est absolument perdu et t'en as 40 en un scénario de 2 heures, tu vois. Un petit projet qu'un jour je mènerai à terme, c'est de faire des petites vidéos en disant « Et si ton MJ c'était ?» Genre, si ton MJ c'était Balzac. Vous entrez dans une auberge. La porte est en bois de chêne noueux qui a été posée par l'arrière-grand-père de l'aubergiste il y a 187 ans. Sur le petit nez d'en bas, là où ton petit-fils s'est cassé une dent alors qu'il avait... Non, mais on entre dans l'auberge. Attends, j'ai pas fini. T'avais commencé une série de posts là-dessus. Là. C'était très drôle, d'ailleurs. Ouais, trop bien, ça. Bon. Parce que le jeu de rôle guerre épée, tu joues 6 personnages en même temps, tu vois. C'est génial. Alors, il y a aussi Thébaudard sur YouTube qui nous dit « Il existe des joueurs qui pensent que le jeu, le JDR, c'est MJ versus joueur. Mais aussi, les MJ pensent comme ça et qui essayent juste de casser les idées des joueurs. » Oui, moi, j'avoue, j'en ai eu des MJ, en fin de compte. Ils jouaient pas avec toi, ils jouaient contre toi. Mmh. T'étais leur adversaire. Et c'est assez pénible à la longue. Ouais. J'avoue, ouais, j'avais quitté la table à cause de ça parce que ça me fatiguait finalement. Ça me fatiguait. C'est arrivé sur une table où j'étais joueur où il y avait des joueurs qui n'appréciaient pas humainement le MJ et ont commencé à vouloir chercher la merde contre le MJ, foutre en l'air, foutant à son scénario, foutre en l'air ses personnages, se battre entre eux. Enfin, ouais. Puis le tuer physiquement, là ça a mal tourné. Il a repris à son âme. Quand tu meurs dès la première de JDR sans comprendre l'idée, ben c'est pas de la méchanceté gratuite de la part du MJ. Ouais, bon. Il y a le MJ sadique aussi, celui qui prend plaisir à tuer ses joueurs à chaque séance ou presque. Ouais, il y en a des comme ça. Oui, moi, à Cthulhu, quand je suis en convention, mais on me demande pour ça aussi. Ouais, mais bon. Oh là là. Cthulhu, je dirais. C'est plaisir coupable. C'est Cthulhu en convention, enfin, c'est. Toulon en convention, ça fait presque partie du contrat social du jeu, là. Oui, voilà, ouais. C'est ça. C'est pas une bonne partie si tout le monde meurt pas à la fin, quoi. Ah, oui et non, c'est voilà, forcément tous. Voilà, il faut que le père, s'il meurt pas, il faut qu'il termine bien fou. Bah, oui, non, ça, mais du coup, il faut en discuter avant, quoi. Ah non, moi en fait, moi c'est parce que j'ai une réputation au fige, et en fait, quand j'annonce que je vais maîtriser du Cthulhu, les joueurs ils viennent, ils font ouais, super, on va tous crever à Cthulhu. Bon bah ouais, bon bah venez, alors c'est bon. Le JDR Marguerite Duras, on rentre, la porte est bleue, elle est bleue, elle est bleue, et elle pleure, car l'enfant est bleu, l'enfant à la porte, l'enfant est la porte. Aidez-moi, je fais critique. Le résultat de TD est un critique. Ça veut dire que le résultat est un critique. Connaissant le MJ en question, c'est de la méchanceté gratuite. Il a mis une fois une malédiction HRP sur un de mes persos sans m'expliquer. En plus, HRP, ouais, c'est chelou. Change de MJ. Hein. Ouais, c'est ça. Il y a un cliché de MJ que à la fois m'amuse et que j'admire parce que c'est tellement pas l'opposé de moi. C'est celui qui est très fort en... Enfin, celui qui arrive et qui a préparé une tonne et demie d'aides de jeu, quoi, qui a fait son parchemin brûlé à la bougie chez lui, qui a dessiné 25 000 plans, qui a préparé 40 000 accessoires pour décorer la table. Ceux qui font de ta table un truc moitié GN, je trouve ça admirable parce que vraiment je fais absolument pas ça. Ouais, j'avoue, moi j'avais eu un MJ comme ça où il avait fait une super carte qu'il avait dessinée à la main. C'était l'époque, hein, pas d'internet, et puis les imprimantes étaient très chères, hein, donc tout fait à la main et tout ça, et puis tain, on était tous sur le cul, hein, avec le dénivelé, tout ça, dans une zone où on était en Europe de l'Est, et puis il fait, et vous devez aller là, et là il prend un stylo, et il entoure en fin de compte la zone où on doit aller, oh on était tous comme ça. Alors, cocaine, ouais, mon point MJ, ce que je disais, c'est que j'ai tendance à avoir du combat difficile et très dangereux, sans vouloir, par juste habitude, d'avoir des gens expérimentés pour les gérer. Du coup, très dangereux quand les joueurs font nimp en tactique. D'accord. Ouais, t'attends vraiment que tes joueurs soient réfléchis, qu'ils foncent pas dans le tas. S'ils foncent dans le tas, tu les punis. Si ils sont réfléchis, bah, tu les récompenses, en gros, si j'ai bien compris. Ouais, je trouve ça logique. Oui, bah oui, moi c'est comme ça que je joue Warhammer. Si mes joueurs, en fin de compte, ils vont foncer comme des bourrins, bah ça va mal se passer pour eux. Ouais, mais je trouve ça logique. Hmm, surtout un jeu assez mortel comme Warhammer, ou Cendre, ou Vermine, ou j'en passe. Ok, bah du coup, je pense qu'on va pouvoir, on a fait un petit peu le tour. On pense au niveau des clichés, des stéréotypes, hein, à moins que quelqu'un va encore rajouter un dernier mot. Sans relancer le débat. On a réglé la question définitivement et que c'est un sujet qui ne sera plus jamais abordé. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, moi, j'estime qu'on a fait que amorcer le débat, mais j'ai pas envie de faire 6 heures de plus. Je pense qu'on a... Voilà. On a fait un petit peu le tour, en tout cas, donc c'était très intéressant. Déjà, bah, je vais vous remercier, hein, tous les merci 6 hein, d'avoir participé. Mais merci à toi aussi. Hein. Remercier le chat, hein, d'avoir été là. Merci. Hein. Alors, y a merci des le messages chat. Qu'on n'a pas forcément merci. Vu ou autre. Hein. On a essayé de prendre en fin de compte ce qui était intéressant. Donc merci à tous. Hein. Merci à tous d'avoir participé. Merci aussi à ceux qui vont voir la rediff. Hein. N'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à la rediff. Et donc. Bah, vous pourrez retrouver chacun et chacune sur différentes chaînes YouTube ou autres, et peut-être lors d'un prochain débat. Il n'est pas encore fixé, d'ici une quinzaine de jours, parce que, oubliez pas, ce week-end, justement, il y a la cyberconvention, qui va commencer vendredi à 13h jusqu'à dimanche 2h du matin. Mmh. On va être en direct sur Twitch et sur YouTube pendant tout ce temps-là. Vous aurez dormir avant. Ouais, bah, et puis après, moi, j'ai posé le lundi, hein, pour être sûr. Donc, vous aurez de la radio libre, vous aurez des tables rondes, il y a une centaine de parties déjà de proposées de JDR, hein, alors, une quarantaine qui sont déjà complètes, hein, mais il y a une centaine de parties qui sont proposées, il y aura des stands et ainsi de suite. Hein. Je ne sais pas si Samuel, tu veux dire un mot, parce que toi en plus, c'est dans le staff, donc... Oui, ne venez pas trop nombreux, hein, on n'en peut plus, vous êtes déjà trop, on est presque 1000 sur le Discord, je ne sais pas comment on va faire, ça va exploser. Non, Sandex, ça va être cool, il y a déjà plein de parties de proposées, ouais, une centaine de tables, je crois, la moitié ou les trois quarts sont remplis. Ouais, très très chouette. Franchement, on a organisé ça en 3 semaines et il me tarde d'être en plein dedans et il me tarde l'après, avoir le recul sur ça et voir vraiment ce que ça va donner parce que on est vraiment très impatient de que ça ait lieu et que ça soit passé pour qu'on se dise waouh, on l'a fait, c'était cool quoi. c'est ça, hein, parce que c'est vrai que c'est un sacré boulot. Alors moi, je suis pas dans le staff, mais j'ai gravité autour et c'est un sacré boulot qui a été fait en 3 semaines de temps. Dans cette période de confinement, justement, il y a eu beaucoup d'investissements de chacun et je pense que ça va être bientôt. Au-delà du staff, hein, tous les pôles, le pôle diffusion, Thillé, le pôle Modo, le pôle table ronde, communication, etc. Bref, tout le monde s'est défoncé. On a eu des superbes visuels. Franchement, vraiment très très cool, tous les gens qui se sont mobilisés autour de ça. Ton lien est pas passé, tu peux filer à Gossed et puis lui il va le mettre sur le. Ok, sur le chat. Ouais, ça marche. Ah, je voulais filer la règle des 3 indices au fait. Si Gossed, tu peux la mettre aussi parce que l'article est vraiment chouette. Je vais te l'envoyer en MP. Bah voilà, comme ça on va terminer là-dessus. Non, c'est pas ça le lien que je veux mettre. Ouais, bref, c'est pas grave. Ah, du coup, Gossed, Gossed a le lien que je l'ai envoyé sur les fréquences d'utilisation. Classe race dans Donjons et Dragons qui peut être intéressant aussi à mettre en description ou un truc comme ça, je sais pas. Oui, c'est ça, les liens à la rigueur qu'on remettra également dans la description. Je mettrai ce que vous voulez. Oh, ah, bah, il est revenu, il est là. Bah, pour la fin, au moins pour la fin. Voilà. Mais, et donc, oui, juste pour revenir sur ce que j'ai dit sur Samuel, c'est uniquement si vous prenez des notes, c'est-à-dire que il faut être actif, sinon il va pas être content. Voilà, c'est tout. Oui, toute norme. C'était sur le ton de l'humour. Je pense qu'on préfère tous les joueurs qui sont actifs autour de la table. Mais moi aussi, c'est pareil. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils te nourrissent tellement. en tant que maître du jeu, que bah, on préfère ça, clairement. Tu voulais que je mette le lien, Samuel de... Ouais, je te l'ai mis, là, Cybercombe. Ah oui, d'accord, dans la petite pause, ok. Voilà, ouais, et puis on mettra tout ça aussi dans le descriptif de la vidéo, une fois qu'elle sera faite. Du coup, bah moi, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Bah, vous pourrez me retrouver jeudi soir, on sera sur justement la petite pause hein, pour jouer à Divinity Original Sin 2. Et vendredi à partir de 13h sur la chaîne Twitch et YouTube donc de la Cyberconvention. C'est y part. Allez, voilà. Salut tout le monde, merci. Allez, bonne soirée. Ciao. Ciao.